Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Allez, merci pour le Before Dance Floor, les amis. Tout de suite, c'est le best-of des pervers. Et oui, ça s'est réalisé mercredi dans la libre antenne d'Alex. Les amis, je vous assure, vous allez rigoler, les gars. C'est... Franchement, je vous assure. En plus, c'est à la tête de Quentin quand il fait. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez voir également toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube Alex Libre Antenne. Vous allez, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes si vous voulez vous, voilà, vous détendre, rigoler avant d'aller dormir. Tout de suite, le petit best-of des pervers. Et ça s'est déroulé mercredi dans l'émission de la Libre Antenne. Je vous laisse et vous m'en dites des nouvelles sur Facebook. Hein, Kevin, allô ? Allô, ma grosse pite ? Ça va, ma salope ? Ça va et toi ? Je pensais plus que t'allais m'appeler, vu l'heure. Si, si, excuse-moi, j'ai eu du retard sur mon bus. Ah, d'accord. J'ai passé un petit peu en retard, donc ça fait que je rentre assez tard, quoi. Ah ouais, je suis sûr que t'es déjà à poil, ma salope. Pardon ? Hein ? T'es déjà à poil, je suis sûr. Oui, oui, oui, oui. Toute chaude. Toute chaude, ça commence à te toucher ? Oui, oui. Hein ? Juste avant de t'appeler. Ah, c'est bien ça. Moi, je me branle tout à l'heure. Ah ouais ? J'avais commencé à me branler, ouais. Je suis à poil aussi. Je me caresse en pensant à toi. En pensant à moi ? Ouais. Mmh. Bon, ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. C'est ma salope. C'est vrai ? Après-midi. Ouais. Je pensais pas que tu m'aurais rappelé. Je suis toute contente, hein ? Là. Ouais. Ça me fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir. Oh oui. Ah, hier soir, je me suis bien doigté aussi en pensant à toi. Oh, hein? tu pourras le refaire aujourd'hui? Oui. Mais on est un petit peu plus hard. Hein? On est un petit peu plus hard. Tu veux un peu plus hard? Oui. Hein? Hein? Oui, oui. Tu verras qu'à quoi tu dois ta chatte, là. Hein? Oh, oui. Les gens en train de se boiter. Oui, oui. Ouais, c'est bien. Donc, plutôt, il est gonflé. Oui, il est gonflé, oui. Hein? Mmh. Ah, c'est bien, ma pute. Commence à mouiller, je suis sûr. Oh, oui. Hein? Même quand ça ruisselle le long de tes cuisses, hein. Oh, oui. Hein, salope. Ça coule jusque mon cul. Ah, c'est bien. Dis-le, t'es une salope. Dis-le, j'adore. Je suis une salope. Dis-le plus fort. Je suis une salope. C'est bien ça, t'aimes la bite, dis t'aimes la bite, t'as envie de bite. Oh hein? Oui, j'ai envie de bite. Ouais, c'est bien. T'as mis combien de doigts dans ta chatte, là, ma salope? Là, je suis à 3. T'as 3 doigts? Oh oui. Ah, t'arriverais à en mettre un quatrième? Oh. Hein? Ah, ça y est, ça monte. Et toi, tu te branles? Oui, je me branle. Serre-la bien dans tes mains. J'aimerais mettre ma main dans ta chatte. Ah. Oh oui. Oh, j'ai ma grosse queue bien raide. Oh. Oh, j'ai envie de ton cul aussi, tu sais. Oh oui. Oh. Dis-moi des trucs méchants. Des trucs? Des trucs méchants. Des trucs méchants? Oh oui. Oh, j'aimerais. J'aimerais que je t'attache. Hein? Oui. Oui. Hein? Oui, oui. J'aimerais que je t'attache, hein. Oui. Hein? Je te fasse baiser. Hein? J'aimerais que j'aime avec des copains qu'on me pèse. Hein? Oui. On passe un grand bon, t'es la seule femme. Tu peux m'attacher comme un gigot. Hein? Tu peux m'attacher comme un gigot. Oui. Je vais t'attacher comme un gigot. Mmh. Hein, je vais te crisper. Je vais te défoncer ton gros cul. Hein? Oh oui. T'aimes ça, hein? Oh, j'adore ça, oui. Je vais mettre ma main au fond de ton cul. Accélère un petit peu. Je vais mettre ma main et je vais te mettre une bouteille dans le cul aussi, salope. Hein? Tu vas aimer, hein? Oh oui. J'ai envie que je te défonce à fond, hein? Mais tu commences par l'arrière. Hein? Tu commences par le cul de la bouteille. Oui. Comme ça, j'ai envie d'hurler un bon coup. Ouais. Tu vas hurler. Tu vas hurler. Tu vas être défoncé. Je vais t'ouvrir en grand tous tes trous. Hein? C'est trop bon. Ça pue, ça. C'est une pute. Hein? Oui, j'aime ça, ma pute. Oh oui, j'adore ça. Ah, oui. Oh, accélère, oui. Vas-y. Je vais foncer ton cul. Oh oui. Mets-toi un doigt dans le cul en même temps. Oh oui. Mais en deux. Oui, je me mets deux doigts dans le cul. Oh. Et moi j'en mets un aussi. On va se défoncer mutuellement les culs. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Oh, j'adore, oui. Bonne idée. Ah oui, hein. Allons-y. Je me bute dans le cul, ma main. Et toi, tu me mets un gros gode dans le cul. Ah oui. Hein? Mmh. On va s'enculer mutuellement. C'est appétissant. On va passer la soirée à s'enculer mutuellement. Oh. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Pas mal. Ça va être bon. Ça va être bon, hein. Oh oui, c'est très très bon. Accélère plus vite. Tu mouilles à fond. Tu mouilles à fond, ma salope. Hein? Pardon? Hein? Tu mouilles à fond, ma salope, là. Oh oui. Hein? Ça coule jusque mon cul. Ah oui? Oh oui. T'as envie de jouir? Tu vas jouir? Oui, bientôt. Alors, et toi, vas-y bien à fond. Oh oui. Oh, vas-y. Oh oui. Oh bébé. Oh. Vas-y encore. Comment je t'adore. Oh, et moi aussi. Ah, t'es trop bonne. T'es une bonne salope, tu sais. Oh. Oh, vas-y. Et mets-toi un doigt, là. Vas-y. Ah oui. Oh. Ah, je me dilate le cul, là, bébé. Oh, oui. Oh, c'est trop beau. Et dis-moi, ma grosse bite. Ah, oui. Dis-moi, qu'est-ce que t'as déjà fait? Qu'est-ce que t'as déjà fait de plus hard? De quoi, plus hard? La chose en sexe la plus hard que t'as déjà fait. La chose la plus hard que j'ai déjà fait? Oui, pour me faire mouiller encore un petit peu plus. Me faire prendre le cul. Oui. Hein? J'adore ça. Hein? Mets deux doigts dans ton cul, vas-y. Oui. Oh oui. Oh. Bien profond. Ouf. Oui. Jusqu'au début de la main. Ah oui. Oh. Oh, ça te fait jouir. Bien profond, vas-y. Oh. Et branle-toi en même temps. Oh. Oh. T'aimes, hein? Oh. Oh. Oh oui, c'est beau. Oh. Oh. Oh, j'adore ça. Vas-y, joue un petit peu plus. Oh. Juste pour m'exciter. Oh. Oh.

Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. Radio Mixfloor. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. Trois salles, trois sons, trois ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux. M'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Cómo tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Cómo tú te llamas. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Allez, bonne soirée tout le monde, le son de Nicky Jam, 21h20 partout en France, soyez bienvenus, c'est la Libre Antenne là, qui démarre jusqu'à 23h. Du lundi au jeudi, 21h-23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Club. Allez, soyez bienvenus tout le monde, c'est mardi, comme chaque mardi on démarre un petit peu plus tard, voilà, 21h20 partout en France, merci en tout cas d'être avec nous ce soir, ça fait grave plaisir. Si vous avez passé une journée de merde au boulot, si vous avez des révisions etc, vous voulez un petit peu vous détendre, et ben en tout cas bah vous êtes sur la bonne radio, 21h-23h, la Libre Antenne d'Alex comme chaque soir. On a toute l'équipe, enfin il y a l'équipe qui est avec moi ce soir, il y a Al qui est avec nous ce soir. Yes. Ça va bien la forme? Oui, ça va, ça va. Ouais, bah voilà, il y a Quentin qui est avec nous également. Oui, Quentin que vous entendez souvent et qui tourne beaucoup sur internet, enfin il tourne beaucoup avec notamment le pervers. Ah oui. Voilà le pervers. voilà, tout à l'heure dans moins de 10 minutes on aura notre invité ce soir, on vous l'avait promis hier évidemment, c'est Sophie qui sera avec nous pour nous présenter les derniers sextoys du moment. Ouais, du cul. Et je peux vous dire que Quentin et Al, ils sont pas là pour vendre des cravates ce soir, ils sont très chauds. Quentin il a déjà mis son doigt où il fallait pas. C'est trempé de doigt. Oui. Comme le pervers. J'ai déjà testé le... la bougie. Voilà la bougie surprise. Dans le cul. Jusqu'à la mèche. On se fera un petit tour, on se fera un point foot ce soir, c'est la Ligue des Champions. 9-3, c'est la Champions League. Oui, avec Quentin, il nous fera un petit tour sur la Champions League. Il y a beaucoup de matchs ce soir. Il y a Lyon et Monaco qui jouent. Qui ça? Lyon et Monaco. Oh, Lyon-Monaco. Il y aura Info Atox tout à l'heure. Il y aura le jeu des 5 mots. On appellera des hôtels avec Al. On aura la question du soir également. Tout à l'heure, on parlera de bizutage dans les établissements scolaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On aura le top ou flop également. Puis on aura pas mal de canulars ce soir. On se fera un petit replay également. Donc voilà. Puis notre invité qui arrive d'ici quelques minutes. Soyez bienvenus en tout cas. On a beaucoup de choses ce soir à vous dire. En plus, c'est bien. Demain, on n'oublie pas le retour de Avez-vous vu Chantal avec Jojo qui sera avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il nous envoie des Jojo qui dit dédicace là, il nous écoute là ce soir. Bah, dédicace. Ah, bah il a mis un petit mot sur Facebook là. J'ai du dossier sur certaines personnes de la radio MDR. Ah oh là là, bah voilà. Tout hashtag dit. Dis que t'aimes Jojo. On aura le tout nouveau Cachemire. Évidemment, j'adore ce son. Ça arrivera tout à l'heure là. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, j'adore ce son Nicky Jam. Mon son du moment, Maître Gims. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Ça arrivera tout à l'heure, vous êtes très longuement le demander celui-là. Le gros carton de Black M également. Je suis français. Ou pas. Ma fille en sait. Ouais, non, mais. Allez, dis-le. À quoi? Je suis pas français, moi. Ah, Alonso. Alors, je suis content parce que Quentin, il a beaucoup travaillé aujourd'hui à la radio. Et il nous a mis pour l'occasion, vu qu'on reçoit une vendeuse de sextoys, il nous a mis tous les bruits du pervers. Qu'est-ce que j'ai? Je les découvre en même temps que vous. Hein. Hier soir, je me suis bien doigté dessus en pensant à toi. Ok, attends. J'ai commencé à me branler, ouais. Ok, ah ouais, d'accord, tu nous as mis. Il y a ta chatte, là. Ah ouais, d'accord. Ton clito il commence à durcir. J'ai envie de te caresser la chatte là. Bah ouais, c'était avec le pervers qu'on retrouvera lundi en tout cas. Bon, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Vous avez passé une bonne journée, Al, tout ça? Ouais, Al... moi ça a été une journée forte en émotion. Ouais, c'était. Pourquoi forte en émotion? Du lourd dans quelques jours ou dans quelques semaines, on verra bien. En bonne nouvelle ou... Ouais, très bonne nouvelle. Ouais, j'ai travaillé sur un dossier là et ouais, du lourd. Ouais, il va être enceinte. Ah, c'est vrai que pourquoi pas. Premier homme enceinte, voilà, tout est dit. Non, je serais pas le premier. Quand t'as passé une bonne journée? Ah, bah, excellente. Oui. Ouais, voilà. Bon, oui. Bah, c'est bien. T'as fait quoi de beau? T'as fait quoi de beau? Oh, pas grand chose. Et bah voilà, il se fait chier. Je me suis couché. Ah bah voilà, tout est dit. On reste avec nous en direct évidemment. C'est pour ça que t'avais les mains collantes. Ouais. Jusqu'à 23h, on est là. Bonne soirée en tout cas. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. On est là jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Oh bah, merde. Oh là, tout est dit. Ma formation. Ouf. On en a trop ici. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill them with kindness, kill them with kindness, kill them, kill them, kill them with kindness, kill them with kindness, kill them with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. Soirée, le son de Selena Gomez à l'instant, en direct hein, jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la ville. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous là jusqu'à 23h, ça fait grave plaisir de vous retrouver là tous les soirs du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne, 21h, 23h. Un seul lien, seul site www.radiomixoir.fr. Il y a Al qui est avec nous ce soir, il y a Quentin. Yes. Également, et puis à 21h28, on va retrouver notre Sophie nationale parce que c'est vrai qu'elle a l'occasion de venir souvent à la radio. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Bah, ça va très bien. Alors pour ceux qui. Alors il y a 5 minutes, elle nous dit tu, puis là ça va et vous? Bah et vous trois, comment allez-vous? Ça va bien nous? Nous allons très bien. Pour l'instant. Pour ceux qui se demandent qui c'est Sophie, c'est pas une nouvelle animatrice, rassurez-vous, elle a l'habitude de venir en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la Libre Antenne. C'est notre vendeuse de sextoys nationale. Voilà. Elle était passée aux 5 ans aussi. Hein? Bah, elle est pas tout le temps là, tout le temps là. Mais ça fait trois fois. Et je tu crois sais qu'en que fait, Sophie, on fait un planning en fait avec les animateurs, parce qu'on est 8 à la base dans la Libre Antenne. On fait un planning chaque soir. Il y a des nouveaux animateurs. Et quand on a fait le planning avec toute l'équipe, donc on savait que mardi on était que 3. Et quand j'annonçais hier que tu venais, en fait, il y a Jojo qui était déballé, il y a Ben qui était déballé, et notre tonton Mani aussi qui fait la rubrique sexe. Il malheureusement ne peut pas venir ce soir. Ils étaient tous déballés. Bah donc, je comprends. Je peux pas satisfaire tout le monde. Mais il t'écoute. Ah, on a de la chance, nous on est là. Ok, merci. Toi, tu m'as mis au courant que ce matin. Ah oui, je suis désolé. Et alors bah, c'est pas... Ah, mais sinon, t'aurais ramené ta bougie. Ça aurait été chiant. C'est ça. Hey, comment je suis énervé ce soir, c'est un truc de malade. Ouais, bah, du coup, j'ai ramené ma bougie, moi. Hein ? J'ai ramené aussi une bougie, mais elle fera pas le même effet que le pervers. Ah, bah, non, est-ce qu'il y a encore de la crème dragon ? Oui, il y a encore de la crème de dragon. Ah. Mais je l'ai pas emmenée aujourd'hui. Ah merde ! Ah bah non, il faut découvrir autre chose quand même. Ah bah, oui, ah bah ouais, mais... J'en garde un très bon souvenir de ça. Bah je vois que ça t'a métamorphosé. Depuis ce temps-là, on l'appelle la bite en feu. Ah, ce qu'il faut expliquer par rapport à Sophie, c'est que Sophie était venue à l'occasion de notre émission spéciale qu'on avait fait pour les 24 heures la radio pour les 5 ans. Et Quentin, il avait découvert Sophie directement en fait avec ses sex toys. Et Quentin était un peu plus coincé que ça à l'époque. Enfin, il hallucinait en fait par rapport à ça. Ouais. Et ouais, du coup, Sophie, quand elle est arrivée tout à l'heure, elle m'a dit mais putain, t'as complètement changé hein, quand j'ai entendu les pervers et tout. Mais il a mis avec moi sur Facebook aussi, hein, donc je pense que je l'inspire. Ah, voilà, enfin, j'ai souvent des commentaires. Hein. Voilà, il dit pas tout. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Ça me fait plaisir également. Voilà. Non, dis pas, ça fait grave plaisir parce que Sophie elle va pas comprendre. Ouais, bah. Si, quand même. Non, l'ancienne génération. J'ai pris un an de plus cet été, mais quand même, hein, ça va. Hein, ah, bah on a tous pris un an de plus, mais toi t'as pris de l'avance sur nous en fait, c'est ça le truc. C'est ça le dossier qu'il a en fait, Jojo, il m'a envoyé. Jojo, si tu nous écoutes, il a vu ton message. Ouais, va te faire enculer, mais profond toi. En tous les sens du terme. Enfin bref. Merci de passer en tout cas. Ça fait son cierge, Alex. Ouais. Non, bah là. Bon, en tout cas, on va démarrer cette soirée très fort parce que là, tu vas rester un petit peu avec nous, le temps de produire. Et puis, rassurez-vous, hein, tous les rubriques, Info Atox, on a les jeux des hôtels, tout ça arrivera tout à l'heure. Mais avant ça, tu vas nous présenter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai voulu me redire, je crois que c'est la première fois en 5 ans que ça m'arrive de. Oh merde, t'en as foutu plein la table, t'es dégueulasse! Ah, n'importe quoi! Oh merde, le portable et tout! Ah, dédicace à Kevin qui a la table! Bah attends! Bon, tu vas nous présenter, pardon, excusez-moi, les derniers sextoys du moment, c'est ça? Les sextoys! J'ai pas ramené vraiment des nouveautés, j'ai ramené des petits gadgets qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas dans mon catalogue, mais des choses que je peux avoir et dont vous allez peut-être essayer de deviner à quoi ça sert. Ah. Vous allez peut-être pouvoir aussi en tester quelques-uns. Ah, ça jamais à ça. Pourquoi le quand test... elle rigole? On est là. Ah, lui, il est déjà en train de bloquer le panier de Sophie, là, il fait. Oh. Non, on dirait le truc du docteur. Oui, on dirait, mais tu ouais, vas mais l'essayer. Ça se met pas sur... Ah, mais t'inquiète pas, ça va pas se mettre comme ça. Ça se met pas sur les poumons, ça. Le docteur dans le cul. C'est donc voilà, donc c'est quelques petits objets sympas. Alors vu qu'on est à la radio, on va vous expliquer ce que. Alors quand t'as touche le premier. Là, objet. Il a une sorte de stéthoscope. Ouais, ça ressemble à un stéthoscope, mais c'est plutôt un tétonscope. Ah oui, c'est ça. Vas-y, quand t'as. Alors quand t'as retire ton t-shirt et on va laisser. Je vais en direct de ce qui se passe. Attends. Je crois que je vais faire un live Facebook. Attends. Est-ce que tu peux avoir un live Facebook avec la page de Radio Mixplore? Attends, bah je vais faire un. Donc il y a deux embouts qu'on va venir mettre sur les tétons de Quentin. Attends, et... va pas trop vite, je vais faire un live Facebook en direct de la page de Radio Mixplore. Okay, alors, les amis, surtout, du gros dossier qui arrive, suivez-nous sur Radio Mixplore, suivez-nous sur la page. On va vous faire un petit live où Quentin essaye le téton. Voilà. Attends, deux secondes, attends. Ça va être énorme. Ah ouais, c'est bon. Voilà, attends. En tout cas, il prend soin de son corps, hein, il rase, c'est bien. Ouais, ça se voit. Ouais, c'est bien. Voilà, donc, ah, mais il faut épiler, mec. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver en direct sur la page Facebook Radio Mixfloor. On est en direct, attention. Alors, ça devient n'importe quoi cette émission. Voilà, et donc on va pomper. Ça va venir aspirer les tétons et les durcir. Ah, vas-y, attends. Ça les rend plus sensibles après. Ah, mais attends, je viens de prendre le. Ah, alors Quentin, tes impressions? Bah, ça fait du bien. Ouais, regarde, il pointe, hein. Ah, alors il t'as pointe, les tétons tout durs, cochon. Qu'est-ce que ça fait du coup? Sur le bout. Ouais, voilà. Et ça fait sur quoi le bout, sur les tétons. Mais t'es pas obligé de le mettre sur les tétons, attends, Sophie, tu peux le mettre ailleurs. Là, du coup, si je fais ça. Tu pompes bien fort. Eh, regardez, en live, Alex, t'es en train de faire attends, du bien à Quentin. Je suis en train de pomper Quentin. Ça tient tout seul. Ouais, regarde. Eh, mais vous allez changer de bord, les mecs. Je suis en train de pomper Quentin. Ah, non. Okay, ça c'est le premier objet. Arrête, ça devient gênant. Donc ça c'est le premier objet. Oui, ça c'est le premier objet. Après, je pense que je vais pas le faire du tout ça. Après, on a ce genre d'objet qui est un objet féminin. Alors attends. Bah, donc Sophie, je vous dis tout de suite, je ne vais pas l'essayer. Voilà. Ça c'est une pompe. Eh, mais pourquoi t'essayerais pas? Bah parce que. Ok, donc. C'est une pompe à vulve. Une pompe à vulve. Ok. Quoi, c'est un poisson? Non, la vulve n'est pas un poisson, donc c'est une pompe à vagin. Il y a que je te pompe le vagin. Ça fait longtemps que t'as pas bouffé du poisson, mec. Oh, hein. Non, ouais. Avec le, depuis le pervers, je crois qu'il. Ça fait longtemps que t'as pas vu de morue, hein. On est en direct live hein, sur la page Facebook Radio Mix Flore, n'hésitez pas à. Donc, on va venir mettre ça sur son vagin et pareil, on va pomper. Du coup, ça va venir. Si t'as pas de vagin, bah tu vas prendre la pompe à pénis. Oui, ça existe. Donc tu mets ton pénis dans une pompe. Ok, ouais. Tu pompes et du coup ça fait un vide d'air et ça te fait aller le sang et ça fait gonfler. C'est vrai que ça marche ça ou pas? Ça marche vraiment? Ça marche bien, ouais. Mais il faut pas trop en abuser parce qu'au bout d'un moment, PAH! Mais il faut pas que ça devienne tout bleu, hein, sinon là on coupe et. Imagine, t'as quelqu'un de tout bleu, t'es un schtroumpf. L'aubergine, ouais, ça arrive. L'aubergine. Donc là pareil, on va pomper, ça va donc durcir le clitoris et le rendre plus sensible avant que monsieur s'en occupe bien. Ouais. Ah mais moi je suis encore à l'ancienne, moi c'est tout à la main ou à la langue. Alors ouais. Posez vos questions en direct sur la page Facebook Radio Mix Flore sur le live vidéo. Posez vos questions là, on va vous poser en direct évidemment. Il y en a un autre aussi qui est sympa que quand. Ah attention. Ah ou ah bah Aldric, viens essayer. Eh non non. À la base on m'appelle Al. Viens essayer. Attends j'arrive Sophie. Pas dans les toilettes. Sois pas jaloux. Non mais c'est quoi encore? Donc tu vas venir. Eh moi je me fous pas à poil hein. C'est quoi, c'est du parfum? Ouais, c'est un truc de parfum. C'est ouais. Que t'as vu, ça fait... Donc là, pareil, on va pomper pour faire une aspiration. Faut attends, parle bien près ton micro pour qu'on t'entende. Voilà. Faut que tu retires ton t-shirt. Ah, ça va. Ouais, mais je me suis pas préparé à me foutre à poil quoi. Ça va pas. Tu savais que je venais hein, quand même. Ça va vibrer, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Voilà. Oui. Ali a sorti son. Ali, il est musclé comme un flétan. Ouais, regarde comment il rentre son ventre. Ali, fait si qu'il est musclé. Il a la petite bidoche. Ça va, c'est la bidoche. Trop de bière. Ah, attention. Ah mais ça pince ce truc. Ah ouais. Eh c'est pire que le toit. Bah moi ça va. Eh je crois que ça va vibrer. Ouais ça va. Ah ouais complètement ouais. Ah non ça marche pas ça. En fait pour expliquer en direct ce qui se passe. Attends, c'est qu'elle vient de poser des trucs sur le téton de Hal. Sur les tétons de Hal. Et c'est en train de les. Oh. Ça fait quoi du coup sur les tétons? Bah je crois que ça vibre. Ah ouais non mais c'est un peu désagréable quand même. C'est désagréable. Ça va titiller pareil. Laissez-moi encore les 5 tétons. Secondes. Il y a des gens qui regardent à la fenêtre. Ça fait quoi? Ça titille les tétons? Voilà, ça va titiller. Eh, les mecs qui doivent passer en voiture. Ah ah ah. Ouais, mais ouais, j'ai l'impression d'être une vache à lait là. Voilà, merci. Bonjour. Donc voilà, ça c'est le produit des tétons. Donc là on a fini les tétons maintenant. Donc allez voir sur la page Facebook en direct. Hein, live vidéo en direct sur la page Facebook avec Sophie et ses plaisirs. Là, c'est encore un produit masculin. Ça va être un stimulateur de prostate. Ah non, pas la prostate, moi je le fais pas. Bah, ah, c'est un poignard moderne. Ah bah en fait un poignard moderne. Ah. Ouais, tu sais où ça se trouve la prostate hein, quand même mec. Hein. Ouais. Tu sais où ça se trouve la prostate? Tu veux le tester? Non. J'ai pas envie de finir. Mais attends, Alex, Quentin et moi on a testé un produit, à toi de le faire. Bah, c'est parce que je peux pas chercher. Bah, ce sera ça. Non, pas le prostate. Donc la prostate est une zone érogène chez l'homme, ça se trouve dans l'anus et on peut donc utiliser ce genre d'objet qui ne vibre pas mais qui va juste venir tapoter au niveau de la prostate et donner du plaisir masculin. On va proposer ça au pervers d'Eric, à Eric. Ouais non, lui il a pas besoin, lui il a sa bougie. Après on a cet objet, donc j'ai pour habitude de tester tous les objets que je vends mais ceux-ci je les ai pas encore testés. Donc à votre avis, est-ce que... Ça sert? T'as mis quoi comme phrase? C'est Eric qui a commencé à parler, Il a commencé à se branler, ouais. Donc en fait, ce sont des perles, des petites billes en plomb, qui se mettent dans le vagin. Oh merde! Et qui se baladent dans le vagin seul. Mais ça peut aller nu partout. Ça peut aller se balader effectivement dans le vagin. Donc le vagin. Et parfois, ça peut rentrer dans le ventre. Non, le vagin. Et là, tu passes à la caisse de Carrefour et PAM! Éjecté! Le truc qui sonne et tout, tu vois. La nana, elle sonne, tu. Oh non, j'ai rien volé! Donc, c'est un peu le même principe que les boules de geisha, mais effectivement, là, il n'y a pas de ficelle. Donc. Mais pour les récupérer, il faut faire quoi? Mettre un aimant à l'intérieur? Non, il faut les expulser et elles vont sortir toutes seules. Ah bon? Ah, ça sort tout seul, ça? C'est ça, bien. puis du coup, quand t'es dans les chiottes, ça fait comme des billets. Ah merde, il y a Pauline qui me dit ouais, mais c'est dangereux, ça va rester coincé. C'est bien, on m'a dit ça peut être dangereux, ça peut rester. Est-ce que ça peut rester coincé? Non. Non, ça va. Après, ça va finir par sortir. Non. C'est de les avoir dans l'estomac, quoi, c'est tout. Bon, non, bah, ça peut pas remonter parce qu'il y a un plafond, donc ça restera toujours dans le vagin. Il y a un plafond, c'est-à-dire. Non, mais t'as par exemple, pas la cause, Sophie, t'as pas les plus. T'as fait la devanture ou quoi? Par exemple, dans l'anus, ça peut vraiment voyager dans les intestins. Ah ouais, mais tout ce qui va dans le vagin, au bout d'un moment, ça. Ah bah ouais, je suis con. Le vagin n'a rien à voir avec l'estomac. C'est bien. Ouais. C'est bizarre, il m'a l'air bien usé. Non, je te connais. Non, c'est tout neuf. Non, je les ai jamais utilisés. Tu veux voir comme c'est lourd? Ah ouais, mais on dirait des galops, tu vois, ou des billes qu'on avait à l'école. Ouais, on dirait des billes. Bah si ça c'est des billes, moi j'aimerais pas avoir le molar dans le cul. Attends, allez, joue aux billes. Non mais voilà. Ok, donc ça c'est les produits pour les masculins. Non, là c'était féminin. Féminin. C'est réagi à mort sur la vidéo. Ça peut pas aller pour les mecs les billes. Non. Mais en fait ça fait finalement pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça fait un peu la taille de vraie bille finalement. Ça fait la taille de vraie bille en fait. Oui, une grosse bille. T'imagines les gosses qui se ramènent avec ça à l'école. J'ai piqué des billes à ma mère. Mais j'avais un produit à ramener, mais je l'ai pas, j'ai pas pu le faire fonctionner parce que c'est une perle vibrante à télécommande qui fonctionne maintenant avec le téléphone, avec le smartphone. Ah putain, quand tu reçois un SMS, ça vibre dans ton cul. En fait, tu vas vraiment pouvoir régler les vibrations par rapport au smartphone. Ah, avec une application et tout. Ouais, il y a une application, mais comme je viens de changer de téléphone, il me disait que l'application pouvait mettre en danger. Là. Donc j'ai pas pris de risque. Ah, il fallait mettre les sources inconnues, activer les sources inconnues. Voilà. Comme je viens de changer de téléphone, j'ai pas réussi à le mettre c'est en quoi, place. L'application, parce que je peux le mettre, hein, moi j'ai activé. Bah, j'ai pas pris aussi avec. fais gaffe, elle l'a dans le cul quand tu vas voir. Tu vas recevoir. Quand tu veux l'appeler, ça va faire vite. Elle va être en pleine émission. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris. Alors, dans la sexualité, il y a du fétichisme également. Et là, j'ai un produit. C'est quoi ça? Qui est à fond dans le fétichisme, voire sadomasochisme. Ouais. Mais je ne le vends pas, mais peux avoir. Plus t'en passes, plus ça devient gore. Oui, bah voilà, plus on avance. Ah, on dirait un parachute. Faut faire gaffe avec le téléphone et l'application parce que ça use les batteries. Apparemment, il y a des connaisseuses sur Facebook. En fait, c'était un parachute à testicules. Bah voilà. Hein, je l'avais deviné. Pour éviter de perdre tes couilles en route. Pour pas qu'elles trompent trop vite. Quand tes couilles prennent de la hauteur, t'as le parachute. Donc on va venir mettre les testicules ici. Ah, c'est un truc pour mettre sur les testicules. Et Alex, vas-y, teste. Hein. Et donc. Oh. Bah quoi? Et donc il y a des poids qu'on va donc aller plus. Ouais, mais après si tu mets trop de poids, t'as les coups qui t'arrivent aux genoux quoi, c'est chiant. C'est pas bon. On va pouvoir retirer des poids. Allez voir sur la live vidéo en direct sur la page Facebook. Et après tu peux faire de la muscu avec tes couilles. Ça s'appelle du zizi building. Voilà. Mais là pareil, on est dans l'extrême, c'est pas des choses que je vends. Imagine, tu mets un trop gros poids et bim, une couille en moins. Allez. On peut voir, il est encore emballé et tout, il a jamais servi. Je l'avais acheté chez mon fournisseur pour une soirée spéciale où je devais faire découvrir des produits spéciaux. Mais la soirée est annulée, donc... Oh merde. Non, mais c'est pas grave. C'était pas une soirée où il y avait... Le mec, il devait tester, en fait. On avait perdu une juste avant et... Dernier produit, tu nous présentes. Après, on passe une petite musique et puis tu nous présentes un autre produit. Oui, bah vas-y, tu mets de la musique. La bougie est en train de fondre on dit par contre sur Facebook, le massage après. Alors, qu'est-ce qui va se mettre en train de faire fondre une bougie pour... Pour masser quelqu'un. Et justement, tu fais bien d'en parler parce qu'on me demande, on me dit, mais Quentin et Al ont assuré le show sur Facebook, mais Alex ne fait pas de démonstration, c'est bien. Mais si, je vais lui masser le doigt. Ah, si, mais pour pas le cacher, je m'occupais du live. C'est bizarre qu'on est tous d'accord entre auditeur et animateur. Par contre, tu es en train de filmer les seins de Sophie. Il y a Fred, l'animateur de chez nous, qui veut tout. Hein. Sophie, il va te passer une grosse commande, apparemment. Bien sûr. Bah, le connais, j'en connais beaucoup. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais ouais, ok, tu vas me faire un petit massage comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait du coup le massage? Bah, tu verras, vu que c'est à la bougie. Tu vas voir, c'est un peu chaud. Ah, mais ça va pas me faire bander. Ah non, non, bah. Ça dépend. Ah, mais ce soir, je vais me coucher, je vais avoir la trique. Là, on aura du dossier aussi, tu vois. Ah, la trique, tu cliques, tu niques. Bah, en tout cas, reste avec nous là. Jusqu'à 23h, on est là. Sophie, c'est plaisir. Quitte avec nous, qui présente des sexos. On fait sa pub juste après. Vous allez pouvoir savoir comment on commande, etc. Juste dans quelques instants. Mais avant ça, PWM, Shai, bienvenue. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma urine si c'est toi l'étranger. Les petits ont des visions, anyway, des un tas de blême pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Trouve même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Mais c'est money weed et un tas de blême pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. PWM à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Alors on est en direct évidemment jusqu'à 23h, merci de passer la soirée avec nous. Alex, libre antenne, jusqu'à 23h, on aura info à Tox et tout à l'heure on aura jeté 5 mots, on va appeler les hôtels. La question du soir, on va parler de bizutage dans les établissements scolaires, ce sera un petit sujet un petit peu sérieux ce soir. Si d'ailleurs vous avez été victime de bizutage, n'hésitez pas à nous parler en privé là, ou n'hésitez pas à réagir. On en parle dans quelques instants, top le flop évidemment. Et puis avant ça, notre invité qui est avec nous là, un petit peu encore un petit moment, c'est Sophie et ses plaisirs qui, vous avez pu voir un petit peu sur le live vidéo Facebook Radio Mix Floor, qui nous fait découvrir des produits un peu coquins, un peu. Voilà, un petit peu coquin. Donc, merci en tout cas. Un peu beaucoup. T'as le parachute à couilles, quoi, merde. Parachute à couilles. Donc, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait vachement plaisir. Donc, t'as d'autres produits à nous présenter? Oui, j'ai la bougie de massage que j'ai apportée. Ah, là, c'est le tour d'Alex, hein. Ouais, non, mais vas-y, je prends le relais, vas-y. Non, je vais juste charger mon chargeur pour l'ordi parce que sinon il va fermer. Non mais je voulais dire que j'avais eu de l'expérience, mais c'était pas en bizutage, c'était en bézutage. Ah ouais, non mais là il est un peu trop tôt, il faut encore attendre un petit quart d'heure pour bien aller au profond dans le sujet en fait. Sinon le CSA il va nous tomber dessus et la fessée au cul quoi. Non mais on va pas trop profond, t'inquiète. J'ai sur le bar. Utiliser un autre langage. Et donc tape dans le fond, je suis pas ta mère. Ah, parce que depuis tout à l'heure, Sophie, allez, arrête pas de me dire que je n'ai rien fait. Les auditeurs nous disent. Ah non, c'est pas moi, mec, c'est les auditeurs. Non, mais je sais, j'ai reçu des messages, ils me disent ouais, tu fais rien, etc. Ben, je vais vous prouver en direct que je fais quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je teste? La bougie de massage. Ah, on va peut-être faire un petit live Facebook. Tu vas faire un live Facebook? Ah, bah oui, apparemment, il y a des auditrices qui ont déjà testé et qu'ils aiment. Ok, enfin, live Facebook. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Red Mix Floor. On va faire un live Facebook en direct. Je savais pas qu'on avait des auditrices aussi coquines. Ah bah, écoute. De quoi ? Il faut pour tout le monde, hein. Non, il y a des auditrices qui me parlent, ils font « Ah, moi je kiffe les bougies de massage, j'ai déjà essayé, c'est pas mal. » Mais c'est la cire, en fait, que tu mets directement sur le... C'est de l'huile de massage compacte. On allume la bougie un quart d'heure, 20 minutes, et du coup, ça se transforme en huile chaude. Et on verse tout de suite. Tu vas le foutre sur la gueule. Il va gueuler. On verse tout de suite sur le corps. Donc il y a des petits modèles comme ça maintenant qui permettent de faire entre 5 et 7 massages. Ah, par contre, t'as la concurrence. Hein. On me dit sur Facebook, les Quentin, beau gosse quand même. Hein. Qui ça qui dit ça? Ah bah je te dirai après. Ça reste c'est les femmes qui disent ça, c'est normal. Ah non, même pas, non. Donc là tu vas me faire un massage en direct. Alors qu'est-ce que tu peux le faire le massage là? Oui, okay. Je viens à toi ou tu viens à moi? Bah ça m'arrangerait de venir parce que je garde ce micro là, donc ça m'arrangerait que tu viennes à moi, mais pas de problème. Et il faut que je retire mon t-shirt, c'est ça? Ah bah vaut mieux pour un massage, mec, en même temps. Attends, on va se lever quand même. Ah, pour dire d'avoir un bon cadrage. Des vas-y, super tétons d'Alex. Ah bah attends, mais moi je... Attends. T'es ton man. Nanana. Ah mais moi j'ai peur, c'est que... J'ai peur que ça me fasse bander cette merde là. Non mais t'inquiète, ça va juste te cramer la gueule, c'est tout. Alors du coup tu m'as... Attends, lève-toi. Ah ouais, non, en fait c'est la cire. Oh ouais, c'est moi, ça va me cramer cette merde. J'avais pas... Ah, je croyais que tu prenais la cire sur tes mains. Hein? Mais non. Non mais c'est des vrais produits, non mais je dis ça... C'est... Non mais mais c'est chaud. Non mais arrête, ça va faire mal, c'est con. Arrête. Et on me dit allez, vas-y Alex à poil, allez vas-y. Mais attends, c'est pas une chose. Ah bah à poil, ouais. Ouais bah bon, j'ai cramé la chatte, moi. Attends. Mais pourquoi la chatte, j'ai qu'une bite, mec. C'est ce que tu dis. Non mais tout doucement. T'essayes juste un petit test là. Bon, mais t'inquiète, ça fait rien. Est-ce que vous avez testé que les pompes à chaleur là, mais dans la bille, il y a deux camps, les baisers. Arrête, t'as, c'est chaud, hein. Arrête. Ah, le guerrier. Arrête. Ah, oh, c'est chaud, bordel. Ah, non, toi, on pourrait pas. Putain, ça fait du bien. On pourrait pas le mettre à la guerre, lui. Dans les tranches. Ah, bah ouais, les tranchées. Ah, il me tire dessus, mais ça brûle. Ah, c'est chaud, hein. Mais bah, c'est chaud, mais pas brûlant. Par contre, ça sent bon. Non, c'est vrai, ça sent bon. Je sais pas, je viens de déboucher, moi. Hein? Fais des manières. Sophie, t'as pas un truc pour déboucher le nez? Avec tes pompes. Ah, mais c'est, par contre, ça sent très bon, ouais. Ah, ça, tu vois, ça glisse, du coup, le massage. Eh, bah là, tu peux tester le truc pour la prostate avec ça. Oh, tu vois. Non, mais. Et du coup, et qu'est-ce que ça me procure du. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu m'envoies ta ongle. C'est quoi ça? Bah, c'est quoi, y'a un truc qui manque là? Ah, mais tu savais pas que Sophie elle avait des secrets cachés? Ouais. Ouais, bah, secret de cochon. Attends. Ah, non, mais non, j'ai après, pas Sophie peur de toi. Après, Sophie, ses plaisirs, c'est Sophie et ses secrets. Ok, merci. Mais non, mais. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, profite. Je me fais encore engueuler. Bon, enfin, non. Je demande comment ça. Non, je plaisante. T'es quoi, qu'ici? Et on me demande si vraiment Alex est excité. Bah, apparemment. Mais pourquoi c'est censé m'exciter là? Mais non, c'est pour détendre. Ah, pour détendre. Effectivement, ça détend. Tu fais ça bien, Sophie. Bah, voilà. On a des. Ah, on dit réactions. Non, Alex, il a pas peur, il tient juste à son cul. Il a peur. Moi, j'ai Amandine qui me dit MDR flippette. Non, je pourrais flipper, à la preuve, je l'ai fait. Hein, j'ai Pauline Carabi qui me dit tapette. Non, ça ira. Yeah, t'as vu, regarde, c'est où les tapettes? Ah, moi j'ai de quoi les tapettes, chose. Ça va. J'ai essayé deux trucs. Hein. On a déjà, déjà donné notre corps. Elle est marrante, Sophie, elle met ça dans mon dos, du coup, ça va coller à mon t-shirt. J'ai plus qu'à prendre une douche. La tête qui fait sur le live. De quoi, qu'est-ce que tu regardes? Tu regarderas quoi? Bah quoi, l'image elle s'est figée, t'es comme ça. Super. Bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous là jusqu'à votre. Mais en tout cas, c'est pas mal. Merde. Hein. Donc, c'est quoi comme produit ça? C'est de l'huile de massage en bougie. Attends, s'il vous plaît. De l'huile chaude. Ok, attends, parle près de ton micro. Et du coup, ça se vend au prix de combien ça? Du coup, y'a pas de prix ici? Là, on a eu 6 ou 7 parfums différents et c'est 7,90€ la petite bougie. Donc, moins de 10€, j'en vends pratiquement à chaque réunion. Ah, c'est moins de 10€, ouais, c'est pas cher. Eh, hey, mais comment tu te fais cartonner sur le live, mec? Tapette, chouchotte, flippette. Ça y est, il bande. Là, t'as eu peur, hein, franchement. Et on demande si t'as la gueule. Non, je n'ai pas la gueule. Si c'est Fred, si c'est toi. Je réponds sincèrement que oui. Non, je plaisante. Non, j'ai pas la gueule. Mais ouais, moins de 10€, et tu fais combien de temps du coup avec ça avec un petit... Bah, tu fais 6 ou 7 massages. Ah oui, ça va. C'est pas mal. Ça fait moins de 1€ le massage. Ok. Ça va. Ouais, ça va. C'est vrai que ça sent bon ce truc là. Ça sent très bon, effectivement. Et on peut masser toutes les parties du corps. Ok, d'accord. Ah, c'est-à-dire. C'est le but. Bah, partout. Ah, c'est-à-dire. Ah, bah, c'est bon, enfin, et Sophie qui m'aurait fait bah quoi, t'as pas compris quoi? Tu m'as dit avant 22h, ouais, on a pas le droit de parler sexe. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais. Bah, tu peux dire la prostate. Non, on masse pas la prostate. Bah, non. Ah, on les oreilles. Le pénis, le sexe féminin, les seins, les fesses. Mais la prostate, faut prendre un lubrifiant adapté. Ah, imagine, tu mets un truc chaud comme ça sur ton cul quoi. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Ah, c'est ça, les flippettes, la chochotte. Bah, bon, je l'ai fait. Non, bah, ça va, ça brûle pas, ça brûle oui, pas. Oui, mais la dernière fois, t'as pas fait la crème de dragon. Non, mais je plaisante, ça brûlait pas en fait. Hein, ouais, la crème dragon, moi je l'ai faite. Hein. La crème dragon, si, je l'ai fait. Mmh. Ah, si, je l'avais été. J'étais même ma main dans le colbut et tout, hein, si, je me rappelle. Tu t'es lavé vite aussi, non? Juste après, tu t'es vite lavé, il me semble. Je sais plus. Mmh. Je sais plus. Bon, qu'est-ce que t'as d'autre comme produit à me présenter? Bah, j'ai des petites décorations pour les seins. Ça, c'est plus féminin. Ah, ouais, parce que nous, ça ferait un peu. Mais on peut l'essayer si vous voulez. Est-ce que tu mets une décoration pour tes tétons? Ça vient se mettre donc autour. Des seins autour du téton pour avoir donc les seins qui vont être habillés si on est en topless, ou on peut les mettre en dessous d'un soutien-gorge qui va être un peu transparent. Ça fait des petits bijoux au niveau des seins. C'est un tatouage éphémère. Tout à fait. En perles. Tout à fait. En diamant. Voilà. Et Sophie revient dans quelques instants. Ah, j'ai peur. J'ai dit, ah, vas-y, Sophie, vas-y, montre, teste. Vas-y. Ah, vas-y. Ah, Sophie. Sur Snapchat, tout à l'heure. Cette émission va partir en couille, je le sens bien. C'est le cas de le dire. Ouais. Bon, reste avec toi, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Sophie, c'est plaisir qu'il nous présente évidemment les produits sextoys du moment. En tout cas, on sera Binta là dans quelques instants. Ça arrive évidemment dans moins de 3 minutes. Elle provoque des bagarres, elle Et avant ça, la grosse pompe de Black M. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Merci de passer la soirée avec nous. Bon courage en tout cas à tous ceux qui partent travailler. Alex Libre Antenne jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous, à tout de suite. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4 d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Larto. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Larto? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, Monsieur Larto. Sauf que moi, c'est Sam. Larto, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mix Floor. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS fantômes. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS fantômes en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Tout le monde me regarde, à travers mon innocence je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. se fait. À suivre. Allez, Black M à l'instant, je suis chez moi, on est en direct évidemment, 22h tout pile, on est ici jusqu'à 23h, on lâche rien jusqu'à 23h, ça se passe comme ça. Alex Libre Antenne. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, sur Radio Mixplore. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, Alex Libre Antenne, jusqu'à 23h, on lâche rien. On sera à la question du soir dans quelques instants, on parlera d'un sujet un peu sérieux, on se parlera du bizutage dans les établissements scolaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On a eu beaucoup de réactions là par rapport à ça. On sera également le top ou flop, on s'appellera des hôtels également avec le jeu des 5 mots avec Al dans quelques instants. Info à Tox avec Quentin et puis évidemment notre vendeur de sextoy qui est toujours avec nous en direct, hein, Sophie qui est toujours là et qui va nous présenter ses derniers produits. Puis après, vous pourrez retrouver sa pub pour pourquoi pas commander chez elle. Et puis évidemment, elle va vous parler aussi des réunions qu'elle fait à domicile. Quentin, juste avant, un petit point sur la Champions League, la Ligue des Champions en direct évidemment. Alors. La Ligue des Champions ce mardi soir. La vendeuse de rêve. La vendeuse de rêve. Et en tout cas, le truc que tu m'as mis, enfin la cire que tu m'as mis dans le dos, en tout cas, ça sent très bon. Parce que j'ai vraiment ça colle au t-shirt. Ah ouais, ça colle au t-shirt, ouais, mais ça sent très bon. Bah, en même temps, c'est pas censé mettre un t-shirt après ça. Hein. Normalement, ils sont censés avoir une relation derrière tout ça. Mais pas ce soir. Ah non, pas ce soir. Non, parce que là, ça va être pas compliqué. Soir, il y a trois mecs. Indisposé ce soir. Non, ça va être compliqué parce que là, je vais me prendre bite dans le cul. Ah bah, c'est la bière. Hein? Moi, j'ai dit, je vais me prendre bite dans le cul. Ah bah, tu prends un préservatif 4x4 pour passer dans la merde, mec. Je dis, ce sera pas par nous. Ah là là, bah non, je rassure. Bon, quand t'as un petit point sur la Ligue des Champions ce soir. Ligue des Champions ce soir, évidemment. Avec Monaco, la premier match face au Bayer Leverkusen. Cousin qui fait 0-0 Monaco. Ensuite on a le CSKA Moscou. Je fais tous les matchs hein. Ouais, c'est carrément. Alors on a le CSKA Moscou face à Tottenham 0-0, on a Borussia Dortmund face au Real Madrid 1 partout. Le Sporting Portugal qui mène 2-0 face au KP Legia Varsovie. D'accord. Ensuite il y a Copenhague qui gagne 1-0 face au Club Bruges. Ils sont là. On a Leicester qui gagne 1-0 face au FC Porto. On a Séville qui gagne 1-0 face à Lyon. Ouais. Les Lyonnais perdent évidemment, dédicace à Ben. Et ensuite, dernier match, c'est Dynamo Zagreb qui perd 3-0. Ah, Lyon, il perd ? Lyon, il perd 1-0, ouais. Ben, il note tous ses états. Ouais, demain, il va pas être dans sa forme. Oh non, c'est pas bien. Et le Dynamo Zagreb qui perd 3-0 face à la Juventus de Paul Pogba. Et bah voilà, en tout cas, on se fera un petit point Ligue des Champions dans moins de demi-heure. D'une demi-heure, pardon. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, on lâche rien. Et puis avant ça, on a notre vendeuse de sextoys nationale, Sophie, qui est avec nous. Sophie, et qui nous fait vachement plaisir. Sophie, parce que croyez-moi, vous êtes très nombreux à nous envoyer plein de messages en privé. En tout cas, vous êtes très intéressés par les sextoys. Du coup, tu veux nous présenter les tout derniers produits. Puis tu veux nous parler aussi également, parce que tu fais pas que les sextoys, mine de rien, tu fais aussi de la lingerie. C'est très beau la lingerie, sachez-le. C'est bien, ça fait bander les mecs. Il n'y a pas que des sextoys, il y a des cosmétiques, des accessoires, des jeux, et depuis le... Pardon, je me laisse emporter par... Et depuis le mois de mai, j'ai développé de la lingerie qui va de la taille S à la taille 6XL. Ah, voilà. Et... C'est quoi ce... Ouais. J'ai pas ramené mon fouet, mais... Quand il a mal, du coup, elle l'a fouetté. On peut être rond et sexy. Ah, exactement. Voilà. J'ai pas dit l'inverse. Ah voilà. Mais vu ta tête, le 6XL, bon. Mesdames, pensez à Régime Box. Je plaisante. C'est une petite boutade parmi tant d'autres. Le vendeur de tapis. Là. Bref, donc je fais des corsets, des nuisettes, des baby dolls, des culottes, des combinaisons résilles, des bas résilles, des portes jartelles. Je fais plein des de choses. Des corsets, c'est tellement beau. Est-ce que tu vends des draps? Parce que là, je suis en galère de draps chez moi. Des corsets, c'est tellement beau. J'ai des pas de draps du les serviettes, non? Non plus. Serviettes coquines. Ah, imagine, tu te sèches et ça vibre. Ah, ça serait bon. Et un concept à inventer. Ah oui. Ah, exactement. Tu te frottes le dos et là, au niveau de la prostate, ça vibre. les derniers produits que tu veux nous présenter, c'est... C'est lesquels là? C'est quoi ça? Ah, non, là c'est un gadget également que j'ai ramené. C'est une laisse à pénis pour tous ces pénis volages bien qui peuvent exister. Pour éviter de perdre sa bite. Ou pour que madame puisse le retenir un petit peu plus. Ah putain! Reste ici mon salaud. Elle a lui arrache le gland, mais elle est malade. J'ai envie de te caresser la chatte là. Allez, on parlait d'une laisse à bite, alors tu te calmes. Elle commence à me branler, ouais. Voilà, c'est des petits gadgets, donc c'est vrai que là les réunions on continue toujours. Je travaille presque tous les week-ends et je vais commencer à faire quelques pages pour des petits cadeaux de Noël. Donc la laisse à pénis peut être un petit gadget de petits cadeaux de Noël. En gadget. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Pour apporter un peu d'humour autour de la table. Est-ce que tu vends la barbe du Père Noël? Pour les vagins. J'imagine. C'est pour abuser les Indiens. Non, mais j'ai les tenues de Mère Noël qui sont en train de sortir là. Mais justement, ouais. Ah ouais, mais ça c'est connu. Pour Noël qui va. Pour bonbons, là, non, mais des très jolies robes de Mère Noël. Et Père Noël. Père Noël, pour l'instant, il n'y a pas. Mais les hommes ne font pas trop d'efforts au niveau lingerie pour leurs partenaires. Bah, c'est tu plus, m'étonnes. Les femmes, elles sont toujours en train de se soumettre. La dernière lingerie que mecs, j'ai vue pour un mec, c'était une sorte de débardeur, tu vois, transparent, à trous, transparent, avec un boxer genre camouflage. Eh mec, tu mets ça, c'est pas sexy, quoi. Ça fait peur. Ah, j'ai vu, ouais. Mais bon, mais nous, on n'a pas besoin d'être sexy. Mais sachant, on se rattrape autrement. Mais c'est quand même belle. Ah bon, parce que nous, on se rattrape pas autrement, peut-être. Ah non, mais vous, avant tout, alors la lingerie pour les nanas, avant tout, c'est un plaisir pour les femmes. Et puis c'est nous qui faisons tout le boulot. Parce que les femmes qui n'aiment pas n'en portent pas. Ah, et la lingerie, ouais. Ah, voilà. Ah, et puis c'est nous qui faisons tout le boulot. Puis imagine, t'as pas besoin de lingerie, une petite robe sans culotte, ça le fait très bien. Bon, après, c'est que mon avis perso. Ah, toi, tu vas m'aider à vendre de la lingerie, en fait. Ah bah, pas si besoin de lingerie, une robe sans culotte, c'est suffisant. Sophie, alors, imagine, tu me prends sur une de tes réunions, je te promets, je te fais un carton. Tu me prends. Ok, merci. Ben non, tu me prends, façon parler. Je t'accompagne sur une de tes réunions, un gars comme moi qui a l'habitude de la foule, je te fais un carton, je te fais péter ton record de vente. C'est vrai. Allez, tu l'entends parler, tu penses c'est quoi mon record de vente? Ah, j'en sais rien, mais non, peut-être pas le record de vente, d'accord, mais t'inquiète pas que j'arriverai à te conclure quelques ventes. Tu l'entends parler, pour aller vendre l'Olympique de Marseille. Eh non, mais t'imagines. non. C'est quoi, il y a une certaine époque, on m'avait proposé de faire justement des ventes de sextoy à domicile. On peut pas en parler demain. Et j'ai hésité, mais ça m'aurait plu quand même, ça. C'est vrai. Ouais, le côté commercial et tout. Bah, mais tout le monde n'est pas apte à vendre des sextoys quand même. Bon, t'as une culotte, tu tiens jouer, c'est codes. Rien. Non. Ah, si, respect, ouais, parce que les gens sont gênés et tout. Mais justement, c'est ça qui est marrant, et toi, t'es de là avec ton truc. Alors, tu vas essayer? Vas-y. Ouais. Mais non, bon, mais bon. C'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est un métier, sachez-le. Mais en tout cas, moi, pour revenir sur la lingerie, je trouve ça très sexy, une fille avec une lingerie. Merci. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je suis à la tête de ce genre de choses. Ça y est, je me fais traiter de macho sur Facebook. Non, sans blague. Mais voilà. Donc lingerie, cosmétique, accessoires et jouets coquins, évidemment. Toujours principalement les week-ends, mais je travaille aussi la semaine parce que. Est-ce que tu vends des Pulse 3D cochon? Non. Oh merde. Encore un concept inventé. On me dit en message là privé, qu'est-ce que tu vends le plus en fait, le produit, l'un des produits phares en fait que tu vends le plus, que ce soit en sextoys ou en lingerie. Je vends de tout parce que les commandes se font à l'écart des copines. Donc les filles se lâchent et je vends vraiment de tout. Je vends beaucoup de cosmétiques. Il faut présenter un petit peu, parce que moi je connaissais pas le concept plus avant que tu nous présentes l'année dernière. Mais bon, il y a peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent découvrir un petit peu les réunions à domicile, parce que tu fais des réunions à domicile. Et la réunion à domicile, c'est pas ce que du tout ce que vous croyez. C'est que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si, enfin moi en tout cas j'étais premier d'ailleurs, que quand il y a une vendeuse de sextoys à domicile, où vous faites les commandes en direct devant toutes ces copines. Alors explique-nous un peu comment ça se passe une réunion à domicile. Déjà il faut être entre 8 et 12 personnes. C'est normal, c'est si sympa, vous êtes que 2 c'est pas bien. Rentable. Ça peut être entre filles ou mixte, ça peut être des célibataires ou des couples, il n'y a pas de problème. Ouais. J'explique tous mes produits, ça veut dire qu'il y a certaines vendeuses qui laissent tout sur la table, qui font tourner les catalogues. Moi c'est pas le cas, pendant 1h à 1h30 j'explique tous les produits qui sont sur la table. Ouais. On passe un bon moment, il y a des anecdotes, on rigole, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, je donne les catalogues et je passe à un endroit un peu plus à l'écart, le salon, la cuisine, pour les commandes en toute discrétion. D'accord. Parfois, je vais dans la chambre, mais ça reste en tout bien tout honneur pour les commandes, pour vraiment être tout en discrétion. Et la livraison se fait 15 jours, 3 semaines plus tard dans des sachets opaques agrafés. Donc, il n'y a vraiment que moi qui sais ce que les personnes achètent lors de la réunion. D'accord. Pour la personne qui me reçoit, il y a 5% du montant des ventes en cadeau. Donc plus il y a de copines, mieux c'est. Plus elles achètent. Ah ça on dit plus toujours, plus il y a de monde, mieux c'est. Hein, ça, voilà. C'est... Plus il y a de coquines. Plus on y est de folle, plus on rigole. Alors justement, est-ce qu'il t'est arrivé évidemment de faire des réunions coquines et que des femmes voulaient tester par exemple des godes en direct? C'est pas possible. Tu peux pas. C'est pas possible. Parce que t'es pas. Alors t'imagines, mec. Ouais, ça doit rester. Ah, mais je sais pas. Non, qu'ils veulent tester peut-être des produits impossible, en direct. Impossible. Les seuls produits qu'ils peuvent tester, c'est ce que tu connais déjà des nanas en pleine réunion qui disent ouais, moi je veux bien tester, s'il te plaît. Mais non, mais justement, si ça se passe à l'écart. Je vais m'isoler un petit peu. Non. Alors déjà, mes produits sont des produits de démonstration. Donc même s'ils sont pas utilisés sexuellement, ça passe de main en main. Donc c'est sale. Et puis moi, je reste très professionnelle lors de mes réunions. Donc les cosmétiques, on essaye sur les mains, les bras. Les huiles de massage, il n'y a pas de problème. Après, tout ce qui est sextoy, hors de question d'essayer lors de mes réunions. Même à travers le pantalon, ça peut... Ah, Il y en a qui vont poser la vibration au niveau de l'entrejambe sur le pantalon. Ouais. Voilà, c'est pas non plus interdit, mais c'est pas moi qui vais les solliciter à faire. Une fois, on faisait des jeux lors de mes réunions, donc des jeux de quel genre ? Bah, des positions qu'on va reproduire avec les copines ou quoi que ce soit. Non, avec moi, ça se passe pas comme ouais, ça. Ouais, non, après. On rigole, mais il y a personne qui sera mis dans une situation qu'elle va pas accepter parce qu'il y a des personnes qui sont timides. Ouais, c'est ça. Donc ça moi, je mets timide. Personne mal à l'aise, c'est en tout bien tout honneur, voilà. Sans tabou, mais sans vulgarité. Voilà, j'explique vraiment tous les produits. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille sur le Calaisy. Voilà, ma réputation n'est plus à faire. Je suis assez connue. Et on sait que j'ai un très bon service après-vente, très bon service clientèle. Donc vraiment, on peut me faire confiance pour beaucoup, beaucoup de choses. Si on t'achète un jouet vibrant et qu'il n'y a plus de piles, tu fais le service après-vente ? Les piles, on va les acheter au magasin. Mais par contre, si on les sait et qu'ils ne fonctionnent pas, on me contacte. Effectivement, voilà. Le service après-vente sera effectué sans problème. Service après son vente. Oui, Sophie, bonsoir. Il faut expliquer que c'est ton boulot, hein, c'est pas une passion, hein, c'est ton vrai boulot. C'est aussi une passion. Ah bah oui, pour en moi, même temps. Parce aussi. Que je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier. J'adore mes clientes, j'adore les produits que je vends. Donc, Je veux dire, quand je dis boulot, c'est parce que pour une personne, ça va être mieux que quelqu'un qui ait son boulot parce que tu vas consacrer ton temps là-dessus et ton service client, entre guillemets, il ira vite parce que c'est pas ta passion, c'est ton vrai boulot. Je fais que ce travail-là, plus mon métier de mère au foyer quand même, parce que voilà, j'ai des enfants. Ah bah ouais, c'est un métier. Donc j'ai quand même ce métier-là aussi à côté, mais ça me permet d'être très présente la semaine pour mes enfants et le week-end, bah, voilà, je travaille les vendredis soirs, samedi soir. Mes commandes sont passées la semaine. Un petit peu comme nous, quoi, tranquille. Voilà. J'ai pas de patron. Je gère mes horaires, je gère mes catalogues, je gère mes prix. Parce que Sophie, il faut le dire aussi, c'est une passionnée de Coquéo. De quoi ? Coquéo. De Coquéo. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est alors sur Snapchat, il n'y a pas toujours des choses cochonnes. Il y a également mes cuissons. Sophie, elle adore faire la cuisine. Et en ce moment, elle a trouvé le concept de Coquéo. Là, tu vois, la marmite à tout faire. Là, c'est un cadeau de ma fille pour mon anniversaire. Avec les recettes enregistrées dedans et tout ça. Là. C'est pratique. Tu mets tes ingrédients et ça fait la bouffe à ta place. Sophie, c'est une passionnée de coquillots. Mais bon, ça c'était. Alors, à côté du sexe que j'adore, j'ai plein de passions, de femmes normales. J'adore cuisiner. Le sexe, la bouffe, y a rien de mieux. Hein. Voilà, je vais à des cours de cuisine et je vais bientôt aller à des cours de tricot. Ah merde. Si tu veux m'accompagner et je ne jouerai pas avec les aiguilles, c'est promis. Oh non, par contre, le tricot, c'est moins bon, non. Bon, en tout cas, Sophie. J'ai une vie de femme normale. Je vais aussi au marché avec mon panier en osier. Sophie, tout est dit. En tout cas, on peut te retrouver notamment sur plein de choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc fais ta pub maintenant pour ceux qui veulent te retrouver en direct. Notez bien en tout cas. Donc on te retrouve déjà sur Facebook. Voilà, on me retrouve sur Facebook. Donc Sophie Nils, c'est un compte qui va être un peu professionnel. Et après, j'ai mes pages Sophie et ses plaisirs et la page lingerie qui est la lingerie de Sophie et ses plaisirs. Ah merde, celle-là, je l'ai pas. Moi non plus. Eh ben il faut l'aimer parce que je mets toute ma belle lingerie. Ah merde. Oh ben, on va y aller tout de suite. Hein. Voilà. Ah, voilà. Alors attends, je vais aller voir. La lingerie de Sophie et ses plaisirs. La lingerie de Sophie et ses plaisirs. Avec des réunions lingerie ou des rendez-vous individuels. Est-ce qu'on peut partager la page sur la page Facebook Radio Mix Je l'ai. Ok, on va vous partager le lien de la page sur la page Facebook Radio Mix. En tout cas, c'est moi qui. Mais moi j'aime, c'est juste pour mater les tenues. Hein. Voilà. Si jamais, ça peut toujours servir. Les mannequins ne sont pas à vendre. Ah non, t'inquiète, elles sont un peu retouchées en plus. Hein. C'est sûr que ça rend moins bien sur nous. Et les poupées, elles sont à vendre ou pas? Poupées gonflables, Ouais, il y a la mère Noël en promo là. La mère Noël en promo. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal de mère Noël. Ah, t'as vu, elles sont jolies. Branlées, ouais. la cookie de la mère Noël. Ah là là. Bon, en tout cas, merci en tout cas d'avoir été avec nous là, Sophie. Pas de problème. C'était un plaisir. Sophie, en tout cas, Sophie, c'est plaisir qu'on retrouve un petit peu dans le Calaisy. On va peut-être changer le nom de l'émission. Hein, Radio Mixplore et ses plaisirs, hein, ça serait cool. Est-ce qu'on peut te retrouver hors dehors de Calais? Est-ce que tu peux te déplacer un petit peu sur Boulogne? Non. Que uniquement sur Calais. Bah après, je peux y aller en train, mais je ne conduis pas très loin. Ah, t'as pas de voiture? Si, j'ai une voiture, mais j'ai la phobie de rouler, donc mes clientes le savent. Ah, c'est vrai? Oui. Donc voilà, je tourne principalement autour de Calais, vraiment sur le Calaisy. Oh là là, il y a de la lingerie de malade là-dessus. C'est déjà assez grand, il y a pas mal de monde. Ouais. Et puis après, voilà, on peut s'arranger au niveau de la distance. Mais Boulogne, Dunkerque, Saint-Omer, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai développé à l'époque, mais voilà. Okay. Sur Calais, c'est déjà bien. Et puis... Il y a des coquines encore. J'adore la pêche de Sophie. Bon, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à retrouver Sophie sur Facebook. On vous envoyait le lien évidemment sur la page Facebook Radio Mix Flore. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça vous intéresse évidemment. Et contactez-la si vraiment vous êtes intéressé. Et je dis bien si vous êtes intéressé et pas contacté par curiosité, etc. Et pour poser plein de questions, autant. Eh, il y a la tenue de la Stewart. Aïe, mon dieu, ça brûle les yeux. Et un jour, on verra peut-être pour faire un défilé en live sur. Complètement. Ah là là, mon dieu, j'adore l'avion. Ah mais allez, on dirait qu'il découvre, on dirait Ali Pusso quoi. Ah non, t'inquiète pas, je suis pas Pusso là-dessus, tu peux me faire confiance, mais non. J'ai jamais vérifié. Ah, tu as justement ou quoi ? Quand t'as été Pusso il y a 6 mois, bah voilà, maintenant ça va mieux. Voilà, ouais, exactement. Ça va mieux. Mais bon, en tout cas, bah, merci à toi d'avoir été avec nous là ce soir. Ah là, il y a la pirate aussi. Aïe, et les gens allaient faire un tour sur la page. La lingerie, c'est quoi ? C'est la lingerie de Sophie et ses plaisirs, un truc de malade. Eh ben voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous là ce soir. Sophie, c'est plaisir, je te souhaite une très bonne soirée. À vous aussi, bonne continuation. Tu vas rien faire ce soir, rassure-nous, tu vas juste dormir. Je sais pas. La suite sur Snapchat. Parce que je la suis sur Snapchat et je peux vous dire qu'elle nous envoie des trucs tout sur Snapchat. Tout ce que Facebook censure. Voilà. Voilà. Voilà, en tout cas, bah, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. On te souhaite une très très bonne soirée. Merci, à bientôt. À bientôt, oui, quand merci, vous voulez. Et puis, je viens. Ouais, bah je veux dire que pour la radio. Hein. Salut Sophie. Tout ceci ne se passera que hors antenne. Bonne soirée Sophie. Et puis nous, évidemment, on sera le jeu des hôtels dans quelques instants. Info à Tox. Et puis nous, on en direct, yes, évidemment, jusqu'à 23h. On serait sous l'inflation, le tout nouveau. Énorme, le tout nouveau Son of Legend en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Allez, merci de passer la soirée avec nous là, 22h18 en direct là. C'est ici que ça se passe. Alex Libre Antenne, il y a Al qui est avec nous ce soir. Et il y a Quentin également avec nous, yes, là. On n'oublie pas demain le grand retour. Il y aura Jojo, il y aura Toto Magné demain qui d'habitude est là ce soir le mardi. Mais là ce soir il peut pas être là, il sera là demain évidemment. Toto Magné demain, on aura la rubrique sexe, on aura le God d'or remis en jeu. C'est Al qui remporte le God d'or pour l'instant. Ouais, pour l'instant je suis là. Et on aura demain le Avez-vous eu Chantal avec notre ami Jojo. Donc bref, en tout cas demain une grosse émission en perspective. Rassurez-vous en direct. On sera un petit point Ligue des Champions dans moins de 10 minutes. Mais yes, avant ça, notre info à Tanks avec notre ami évidemment. Quentin. Alors là j'ai tapé. J'ai tapé bien haut là. T'as mis du level là. Ah, exactement. T'as mis du level. On t'écoute, info ou intox ? Telle est la question. Ah, bah oui. Salope. J'adore je te, ça. Je te la pose. Arrête, ça m'excite. Je te la pose. Tu commences à durcir. Oui, ça durcit. Tu commences à me branler, ouais. Petit coquin, va. Ah, il est chaud. Il est chaud. Alors, info intox du 27 septembre. Ah, c'est bizarre que t'as joué, Fanny. En tout cas, Jojo est bien aimé. Bon, alors. On dirait son clito, on dirait un bidibule. Info Atox. Alors, Info Atox de ce 27 septembre 2016. Une question pour tous les deux, évidemment, parce qu'on est qu'à 3. Ouais. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Alors, réfléchissez bien. Oula. La peur du nombre 13 s'appelle la terceraphobie. Info ou intox? Ah, j'irais intox. Moi, je crois que c'est un autre nombre. Intox, ouais, terceraphobie, non, c'est pas ça. Non, bon, c'est pas ça. Vous avez raison. En effet. Ah. Alors, ça, le nom est assez barbare. Ça s'appelle la triskaïdécaphobie. Triskaïdécaphobie. Ah, c'est ça, j'ai entendu. Triskaïdécaphobie. Ouais. En fait, c'est la phobie de boire du café déca. Ok. Donc, la trisk. Ah, t'arrives plus à le dire. Franchement, c'est galère. Triskaïdécaphobie veut donc dire avoir la peur du nombre 13. Alors un petit exemple, il n'y a pas que les hommes qui ont peur du nombre 13. Il n'y a pas que les hommes qui ont peur. Il y a, pas y a que... certains bâtiments qui n'ont pas de 13e étage. Ouais. Comme la Hearst Tower aux États-Unis. Mais moi j'habitais dans un immeuble au 14e étage, sauf que t'avais que 13 étages, mais comme t'étais au 13e, ils appelaient ça 14. Voilà. Voilà. Donc, mais t'étais quand même au 13ème, donc c'était un peu bizarre quand même. Après, il y a certaines compagnies aériennes, dont Air France, qui n'ont pas de siège numéro 13 dans leur cabine. Ouais, exact. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Ah, c'est... Et il y a le magazine Spirou qui n'a pas de page 13. Ils ont juste la page 12 bis. Et bien, apparemment, par rapport au numéro 13, savez-vous que dans les appartements, dans les immeubles, etc., il n'y a pas de 13ème étage? Et c'est ce qu'il vient de dire, couillon. Le mec qui suit sa propre émission. Excusez-moi. Et le mec à chaque fois il nous fait la réflexion. Ouais mais les gars écoutez l'émission en cours quoi. Mais lui il fait pas. C'est pas grave. Excusez-moi, c'est parce que j'étais concentré sur je l'ai vu. Sur la programmation, désolé. Excusez-moi, j'étais concentré dans l'émission. Non bah ta gueule toi, c'est pas toi qui m'envoie des musiques. Ou alors il a fait semblant d'écouter. Non sérieusement j'ai pas entendu, non excuse-moi. Et pour... Donc excuse-moi, bah vaut mieux deux fois qu'une. Non, pour répéter bon, le truc enfin... 30 secondes après toi, c'est qu'il a pas écouté du tout. Excusez-moi. Mais maintenant vous le savez. C'est pas grave. Mais bon. Donc voilà, donc c'est la Attends, je crois parce que j'ai pas le mot devant les yeux. Ouais, mets une musique. Ouais, ouais c'est voilà. Quoi là. La Triskaïdécaphobie. Ok. Putain, faut le dire. Donc, quand t'es perturbé avec les sex toys. Ah oh, merde, non, qu'on arrête de faire nos conneries. J'ai encore les tétons qui pointent. Info de dernière minute, on a fait pisser Jojo en fait en direct. Jojo s'est pissé dessus en direct. Tant qu'il fait que pisser, ça va encore. Vas-y. Alors, vas-y, continue alors. Info Atox numéro 2. Le salaud. Comment appelles-tu un mec qui se pisse dessus? Putain, on est énervé ce soir, truc de ouf. Pisse dessus. Bon, enfin bref, on s'en fout. C'est à cause de Sophie, elle nous a mis des trucs sur les tétons là. J'ai envie de te caresser la chatte là. Oh oui, vas-y. Oh oui, vas-y. Alors. Ah, donc. Vas-y, Raymond. Alors, le premier président de la République. Oh merde, c'est plus sérieux là. Ah oui, évidemment. Ouais. Ça concerne notre belle pays. France. Belle exactement. France. Alors, le premier. France. Donc notre pays. Le premier président de la République française était Louis-Napoléon Bonaparte. Info ou intox? Non, c'est Jojo qui est en train de se barrer. Moi j'ai rien. Non, c'est parce que Jojo me traite de bâtard en direct. C'est pas grave. Parce que j'ai pas big up à Jojo, évidemment. Intox. Alors, premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Non, info. Info? Ouais. J'ai rien intox, moi. Intox, et bien c'est Al qui a raison. Tu es fort l'histoire. Alors. Il s'agit bien de Louis-Napoléon Bonaparte qui a donc fait son premier mandat de 1792 à 1799, soit cette année. Ok. Ouais, parce qu'avant c'était pas un quinquennat, c'était un septennat. Ouais ouais, non mais il y a peu de temps, il y a quelques années que c'est passé à 5 ans. Et pour la petite anecdote, on a eu la création de notre cher hymne national l'année d'après. Ouais ouais, qui s'appelle la Marseillaise évidemment. Voilà, par Rouget de Lille. Ah ben Rouget de Lille, voilà. Allons enfants de la patrie, voilà. Les cheveux de gloire. Wow, yes. Arrivez. Mais gueule pas comme ça dans le micro. Ainsi de suite. Voilà. Ok, donc info ou atox à la suite. Et donc numéro 3, Vénus. Alors là, on passe directement en astronomie. Dans les étoiles. Voilà, exactement. Vénus est la planète la plus proche du Soleil. Vénus. Alors attends que je réfléchisse. Non, je crois que c'est intox. Et encore, attends. Alors la grande ours est là, la petite ours est là. Vénus est la planète la plus proche du Soleil. Info, ah, il est en train de chercher sur Google. Moi j'irais un Tox. Non, ouais, je pense pas que c'est Vénus la plus proche. Eh ben, vous avez raison. C'est Mars, non ? Non, c'est pas Mars non plus. C'est, non plus. La plus près de le, la, plus, la lune la plus près de. Attends, c'est quoi ? C'est quoi ? La plus près du soleil, Vénus. C'est ça ? La plus près de la lune, c'est mon cul. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. N'importe quoi. Bah, allez, vas-y. Donc, c'est évidemment, c'est Atox. Ouais. Elle est à 108 millions de kilomètres du soleil. Ah, Vénus. Mais c'est à côté, ça, c'est rien. Ouais, non, c'est pas rien. Tu fais un road trip, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Un road trip. Tu fais un plein aller revanche, c'est bon. En revanche, la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Ah, Mercure, je m'en doutais. C'est, ça me disait, je disais un truc, c'était les piles et tout, le Mercure et tout, ça chauffe. Ouais, elle se trouve à seulement 58 millions de kilomètres du Soleil. Ouais, non, mais c'est rien, ça. Ça te fait, tu peux le faire à pied, hein. Ça te fait 2 heures de voiture en mode supersonique, en mode vitesse de la lumière, quoi. Ça te fait une petite descente dans le sud de la France. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Ouais, bah, ouais, dans le sud de la France, tu mets que 12 heures, quoi. 8 heures, à limite, t'inquiète. Non, 8 heures, non. C'est rien, ça, c'est rien. Parfois, elle a une orbite qui lui permet de s'éloigner à 70 millions de kilomètres du Soleil. Oh merde. Ou parfois de s'approcher à 46 millions. Ah bah ça lui apprendra à avoir une orbite, tiens, voilà. Ou une bite. Enfin. Okay. Quatrième et dernière info intox de cette soirée. Dépêchons la réponse sur la pub. Ah, c'est pas grave, la production ne nous en voudra pas. Bah si. Quatrième info intox, quand je... Alors attention. Attention, tenez-vous bien. Buvez un petit coup d'eau, un petit coup de coca si vous voulez. Vas-y. Un petit peu de thé. Tenez-vous bien, non, conjugaison française. Hein ? Ah, attention. Conjugaison française. Attention. Mon Dieu. Ouais. Quand je conjugue le verbe animer, j'ai pris le verbe animer puisque nous sommes animateurs ou co-animateurs. Ouais. Ah bon ? J'étais pas au courant. Quand je conjugue le verbe animer à la première personne de l'imparfait du subjonctif, je dis que j'animasse. Si on info ou info, info, ouais. Oui, tu... C'est que des trucs de merde, ça que t'apprends quand t'es en CP et tout, c'est vraiment les trucs que tu n'auras jamais ta vie. Jamais, en fait. Ah non, c'est animé, ouais, c'est fort possible, ouais, info, moi j'ai rien. Non, intox. Moi j'ai rien, c'est, non, je pense pas que ça soit ça. Alex a raison. Ah, ah. Je savais, je l'ai pris ce matin. Alors attends. En effet, on dit bien que j'animasse. Alors je vais vous dire la petite... je sais pas qu'on appelle une déclinaison. Moi j'animasse ma bite, là. Ouais, ouais, bah donne-nous un peu plus d'infos sur le verbe, quoi. Je suis sûr que vous les retiendrez. Hein. Ah, ouais, je compte ouais, sur vous pour les prochains jours. Ouais, ouais, on est sur le coup. J'ai que ça qu'à foutre ce soir, quoi. On dit que j'animasse, que tu animasses, qu'il ou qu'elle anima, ouais. Que nous animassions. Ouais, c'est comme ça. Que vous animassiez et qu'elles animassent. Ah, bah, tu sors jamais ça dans ta vie. Non. T'arrives en soirée. Attention, nous allons animasser ce soir. T'as des mecs qui doivent être déballés. Attention, de... les bourgeois et les bourgeoises, sortez-vous les doigts du cul. T'as des mecs qui doivent être déballés d'avoir inventé des mots, ils ont jamais été inventés. Quoi. Oh yeah, enfin, oh yeah, attention, Black M est de retour. Oh là là. Bon, reste avec nous, en tout cas, c'est pas Black M, mais c'est Parakeet qui débarque avec Save Me dans moins de 3 minutes. Reste avec nous, merci pour ton info à Tox, Quentin. Oui, je t'en prie. Voilà, on est là, évidemment. C'est le jeu des hôtels, on appelle dans quelques instants le jeu des 5 mots en direct. On va bien ça. Ça promet, là, je suis bien énervé. On sera la Ligue des Champions également, là, on sortira du talent dans quelques instants. Là. Reste avec nous, là, jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Radio Mix Floor. Un max de son dance. Nous sommes à temps d'épicer. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Tom Breve, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tom Breve, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h, parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. About to land after years of joy. Life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Merci de passer la soirée avec nous là. Parakeet à l'instant avec Save Me en direct là, 22h32, on est là. Du lundi au jeudi, 21h-23h. Alex Librantel sur Radio Mixplore. Allez, ça fait grave plaisir en tout cas là, on se fera dans moins de 3 minutes. Maître Gims là. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Allez, il arrive évidemment dans quelques instants là, en tout cas. Puis la dernière bombe de Cachemire là, j'adore. La grosse bombe de Cachemire, tout nouveau là, nouveau titre. En tout cas, merci, hein, ça fait grave plaisir en tout cas, je suis comme un gamin là, tous les soirs entre 21h et 23h. Alex Libre Antenne, tous vos messages, vous êtes très nombreux, hein, ça fait grave plaisir en tout cas. On vous a promis plein de choses, on a plein de cadeaux également. Demain, on vous offrira des cadeaux. On a des entrées pour l'Inox, on a dès demain, on vous offrira maintenant des cadeaux tous les soirs. On a des entrées pour l'Inox, on a même des places pour l'Arcelon, c'est tout pour ceux qui sont fans de foot. Enfin, on a plein de trucs, plein de cadeaux. On a des écouteurs à vous offrir, on a des places. Enfin, bref, on a pas mal de choses à vous offrir en tout cas. Dès demain, en tout cas, restez à l'écoute. Dès demain soir, ça va se passer dans la Libre Antenne, jeudi également. Puis lundi, voilà, on démarre tout ça demain, on met en place tous les cadeaux. Quant à c'est Mister Cadeau, donc il s'occupe de tous les cadeaux. Il a réparti, il a fait le listing des cadeaux. Exactement. Voilà, mais avant ça, le jeu des hôtels, le jeu des 5 mots, évidemment, le but est très simple. On va appeler un hôtel, voilà, on balance 5 mots, alors que ça peut être vous, auditeurs, hein, vous balancez vos mots en direct et puis en message privé, là pour l'instant, on n'a pas le contrôle système dédicace autant que ça arrive. Vous balancez vos mots et puis nous, on va balancer un numéro d'hôtel et puis on va essayer de faire une réservation en balançant ces 5 mots suivants, c'est elle qui va les faire en direct. Alors déjà, quand tu as un premier mot. Red Bull. Red Bull. On n'a pas encore cité de marque, s'il te plaît. Alors, donc, autre chose. Boisson énergisante, peut-être. Energy drink. Exactement. Ouais. J'allais le sortir en plus. Mais bah voilà. Bon, en même temps, il n'y a pas 36 mots comme ça. Energy drink. Bon, je vais te dire sex toys, c'est normal. On se dit, allez, on est dans la foulée. Attends, je vais regarder s'il y a des messages en direct de gens. Balancez vos mots tout de suite là, c'est en direct. Là, vas-y, balancez vos mots. Balancez. Ouais, ok, Ok, balancez vos mots là. Balancez vos mots, allez-y. Ok, j'ai Julien qui me dit Corneille. Corneille. Pourquoi Corneille, Julien? Dis-nous tout. Corneille et Verny. Corneille et Bernie. Bernie, ouais. Je regarde pas ce genre de dessin animé. Ok. J'ai Anus là qui arrive. Non, mais allez-y, arrêtez. Ah, si, moi je prends Anus. Anus, on prend. Sextoy. Anus, on prend ce soir, allez, on se fait plaisir. Anus là. Anus, allez. On prend Anus là, ça fait plaisir là. J'ai envie de te caresser la chatte. Ouais, ouais, il est d'accord. Mais non, d'accord avec moi, on donne anal sur les mots, mais non, calmez-vous, j'ai dit Anus quoi, au bout d'un moment. Ouais, c'est très. On me dit Corbeau là. Madame Corbeau. Demain, on appellera Madame Corbeau. Allez, on essaiera d'appeler Madame Corbeau. On envoie des lettres. Corbeau, pourquoi pas Corbeau, ça change. Ouais, Corbeau. Qu'est-ce qu'on a, Corbeau, on a Liberté, on a. Ah oui, on a. Ah oui, on nous dit là, ouais, côté message. Ouais, ah oui, statue, c'est depuis hier, c'est Octobre Rose, très important ça, chez nous, c'est Octobre Rose pour. Ben, je vais mettre ça, laissez-moi qu'il laisse. Là, tu dis, c'est le sida, c'est pour le cancer du sein. Le sida, c'est au mois de novembre. Ah, c'est bon, j'ai mis ça, c'est mes. La campagne du sida, on est d'ailleurs partenaire, ça sera au mois de novembre. Mais là, avant ça, le Octobre Rose, évidemment, partout. D'ailleurs, la Tour Eiffel, d'ailleurs, s'est éliminée hier en rose pour le cancer du sein, parce que sachez-le, les femmes, c'est très important. Ça du sein, donc voilà. En tout cas, s'ils pouvaient faire un geste, hein, plus d'infos évidemment sur leur site internet. En tout cas, on est un média donc on profite de faire balancer cette info. Oh merde, mais on me donne Clito, mais vous allez vous calmer les auditeurs. Ils sont chauds là, c'est Sophie, elle est arrivée, vous la lâchez quoi. On se calme. Il est plus de 22h, ça y est, on se lâche. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah, c'est bon, les 5 mots suivants qui sont donc ils sont Energy Drink, Sextoy, Corneille, Anus et Saint. Et ben voilà, on appelle du côté de Bergerac ce soir. En Gironde, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Bienvenue chez Kyriade. Ouais, ils sont chauds là, Kyriade. Eh, le mec, il veut me dire qu'il s'appelle Cyrano. Nous allons donner donc, le Jack, il parle d'hélicoptère, le mec. Welcome to Kyriade. Vous êtes. Your call will be on a 5 km d'altitude. Ah, le Jack, il parle d'hélicoptère, le mec, ouais. Ouf. On atteint quasiment l'espace. Ah, c'est vrai, au bout du rouleau. Avec Kyriade et Kyriade Prestige. Ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous, on est jusqu'à 23h. Hein. Excusez-moi, je suis en hélicoptère. Bon, ça répond à Kyriade ou pas? Non, on a compris. Bon, il y a la Ligue des Champions, il y a Juventus qui gagne 4-0 face au Dynamo Zagreb. Welcome to Kyriade. Bon, on va pas casser le cul, on va se rappeler la note. De quoi, il y a combien? Juventus qui gagne 4-0? Ah, pas mal, ouais. Pauline qui me dit tout le temps Clito. Ouais, non, mais ça va quoi. Lui, elle a peur qu'on voit pas son message. Et voilà, on a pas la note. Ah, il y a un souffle dans le bordel. Là, il est en avion à réaction là. C'est plus en hélico là. Le mec il est au volant. Avec le car ouvert. En mode chien. Allô ? Oui, ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je me présente, Jean-Yves, représentant Sextoy. Je voudrais vous réserver une chambre, bien sûr. Vous avez dû vous tromper, monsieur. Vous êtes en télésurveillance, là. Ah, je ne suis pas chez un hôtel ? Non, du tout, monsieur. Ah, excusez-moi. Vous avez dû vous tromper dans le numéro. Ah, je pense, excusez-moi, je dois pas avoir les... Mais de rien, c'est des choses qui arrivent, vous inquiétez pas. Bah, ouais, mais en tout cas, vous êtes très sympathique. Hein. Désolé pour le dérangement, hein. Je suis vraiment navré. Mais de rien, monsieur, vous inquiétez pas. Merci bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne soirée à vous. Eh, mais avoue que tu l'as fait exprès, couillon. Non, j'ai pas fait exprès. J'aurais dû là, j'aurais dû appeler. Au secours, mon drone, ça va bien aller. Je suis vendeur de sextoy. Eh, je sais pas exprès, c'est un numéro d'hôtel. Je te jure, quand je viens de vérifier sur internet, c'est un numéro d'hôtel. Mais le mec, l'hôtel a dû fermer, je pense. Bah, c'est télésurveillance quoi. À Bergerac, ils ont dû fermer. À Bergerac, 2 minutes d'arrêt sur Bergerac. Bah, big up à la Gironde qui nous écoute. Big up à Bergerac. Cyrano. Bon pif. Putain, ils sont au bout du rouleau, Bergerac. Faut que j'arrête de trouver des numéros de village. Là. Non, c'est une grande ville, hein, mine de rien. Bon, bah c'est surtout pour les pinards. Non, mais y'a pas un hôtel qui nous répond pour l'instant sans Bergerac. Hein. Excusez-moi. Ils dorment, hein, écoute, c'est un village. Ouais, t'es dans 22h38, c'est un hôtel. T'es obligé d'appeler à tout à l'heure. Au moins, ça prouve qu'on est bien en direct. Ah, bah, ton manier est pas là demain. Ou pas. Bah, attends, on va rappeler en direct. Voilà. Putain, ils sont au bout du rouleau. Ah, le nuage est repassé. V'là le chien. T'as les surveillants toujours, ouais. Bon, allô, ça va répondre à mon vrai, ou... C'était une petite feinte. Putain, la vache, j'arrive pas à trouver. Vous êtes bien sur le répondeur du téléphone. Il y a des jours où tu peux trouver des hôtels comme ça. Vas-y, change de ville parce que Bergerac, c'est plus. Attends, on va appeler sur les grandes villes parce que... Appelle Paris. Paris, on risque de bien se marrer quand même. Attends. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, c'est Noël de Boulanger. Bien sûr, pour vous louer une chambre d'hôtel si c'est possible. Oui, il est un peu tard, mais bon, je vous écoute. Ah oui, mais désolé, hein, mais c'était pas du tout prévu. Je suis tout le temps sur la route, donc c'est oui, vrai que allez-y, c'est pas évident. Donc, je voudrais une chambre pour vendredi, s'il vous plaît. Alors, vendredi 30, c'est ça. Bah, je suis désolé, on est complet. Ah non, non, dites-moi pas ça. Je suis en séminaire, pas loin de chez vous. J'ai beaucoup de mal à trouver un hôtel et... Je suis désolé. On est complet vendredi. Vous avez encore des collègues à moi à part chez vous, c'est ça, au niveau de l'hôtel? Parce que sur chaque convention, je suis embêté, en fait. Hein. Ah non, je pense pas. Non, nous c'est des... on a principalement des touristes, nous. Donc, on est en chambre d'hôte, donc souvent, c'est plutôt des touristes. Ah d'accord, donc c'est des chambres d'hôtes en fait, c'est même pas un hôtel standard. Oui, tout à fait, ouais. Bon bah écoutez, je vais vous laisser alors, merci beaucoup, bonne soirée, bon. Monsieur, au revoir. Bah, bonne recherche, au revoir. Merci beaucoup. Ah, il faut reculer. C'est bon là. Eh mais t'es pareil, on a passé sur les grandes villes. Il est un petit peu tard. Ah là, tu gueules, tu l'as ravi. Oui, bonsoir Thierry, excusez-moi de vous manger. J'ai bu un petit peu d'énergie drink et je voudrais vous réserver une chambre. Je suis complet, monsieur. Non, mais c'est pas. Vous inquiétez pas, c'est pas pour ce soir, c'est pour vendredi. Pardon vendredi, pour vendredi, s'il vous plaît. Pour vendredi Oui, c'est ça, ouais. Si je suis en convention pas loin de chez vous, là, il y a la convention des sextoys de France qui est pas loin apparemment, et c'est le seul hôtel le plus près de par rapport à la convention. Alors. Vous connaissez un tarif, monsieur? Non, du tout, c'est un de mes collègues, il m'a dit vas-y, si tu trouves pas, appelle-là, je suis déjà allé, c'est pas mal. Donc la chambre est à 55 euros le week-end. C'est très respectable comme tarif, y a pas de souci. Donc ça sera à quel nom la réservation, monsieur? Corneille, s'il vous plaît, monsieur Corneille. Alors, ça s'écrit? Comme ça se prononce, avec un S à la fin, simplement. Kermec, hein, vous m'avez dit. Non, pas Kermec, Corneille, comme le chanteur, Corneille. Comme l'oiseau. Ah, d'accord. Comme l'oiseau, au pire, la Corneille. Corneille. Et votre prénom? Jacques. J'espère que c'est pas complet chez vous là, parce que je serais vraiment l'anus complet quoi, plein quoi. C'est une blague, c'est non? Non, du tout. Pourquoi ça? Je croyais. Non. Donc c'est pour deux personnes? Oui, pour deux. Non, pardon, une seule personne, s'il vous plaît. Une seule personne. Je vois pas pourquoi je vous ai dit deux. Non, je serais tout seul. Voilà, votre chambre est réservée. Est-ce que vous pourriez nous envoyer un mail ou un fax de confirmation? Vous pensez que j'ai un anus gros comme ça pour vous envoyer un mail ou quoi? Non, mais j'ai pas le temps, monsieur, je travaille la semaine. Le soir. Mais faut nous envoyer un mail de confirmation. C'est obligatoire, parce que là j'appelle quand même par téléphone. C'est obligatoire, oui. Et dans le mail, il faut mettre quoi exactement pour confirmer? Vous marquez que suite à l'appel téléphonique, vous avez réservé une chambre pour vendredi soir, que vous confirmez, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Juste donc, ça. Même pas une petite photo de mes seins, quoi que ce soit avec, quoi, en pièce jointe. Comment? Pas une photo de mes seins en pièce jointe, quoi, non, ça passera pas non plus. Non. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, une confirmation par mail pour un hôtel, quoi, c'est un peu bizarre. Oui. Ah, les hôtels fonctionnent pas comme ça. Vous avez l'air sympathique, je vous offrirai un petit sextoy en arrivant, vous inquiétez pas, madame sera contente. Ça sera pas moi qui sera là ce week-end. Donc. Ah bon, désolé, mais bon. Ouais. Bon, écoutez, je vais faire ça, monsieur. Très bien, entendu. Voilà. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à vous, à vendredi. À vendredi, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Oh, quelle course, mec. Ah, t'as réussi à caler les 5 mots finalement. Ah, j'ai quasi mes 5 mots. Ah, c'est pas mal. T'as réussi à caler quel mot suivant là? Energy drink, sextoy, corneille, anus et sang. Et bah voilà, tout est dit en tout cas. On en direct évidemment jusqu'à 23h. Le sujet évidemment, êtes-vous pour ou contre le bizutage dans les établissements scolaires? On a eu beaucoup de réactions là sur les réseaux sociaux en tout cas. La question du soir, on en parle évidemment dans moins de 3 minutes. Le top ou flop évidemment qui débarque. On est à la bourre ce soir, mais c'est bien, on est avec vous là. On va dépasser un petit peu ce soir. On est en direct avec vous là, comme chaque jour là, du lundi au jeudi, 21h-23h. Êtes-vous pour ou contre le bizutage dans l'établissement scolaire là? Avant de balancer la pub, toi, qu'est-ce que t'en penses sur le bizutage? Parce qu'il y a le bizutage. Alors moi perso, j'en ai jamais vécu. J'ai jamais fait vivre ça non plus à d'autres collègues. C'est pas dans les lycées, les collèges, c'est plus dans les universités. Là. Mais ouais, dans les universités américaines, apparemment, c'est vachement hard. Et, en France aussi, en France beaucoup. Hein. Mais bon, après ça, ouais, un petit peu contre parce que si ça dérive, ouais, ça peut mal tourner. Mais après, pas forcément d'avis là-dessus, quoi. Parce qu'en en gros, je m'en fous. Pour expliquer un petit peu ce que c'est les bizutages, en fait, pour les tout nouveaux dans les établissements scolaires du genre université, etc., bah, y a des, pour rentrer dans la classe, etc., bah, ils font des bizutages entre eux, c'est-à-dire qu'ils font des petits défis entre eux, mais c'est du genre défi, ça part loin des fois. Donc par exemple, dans la boue, etc. Et des fois, ça La dernière fois que j'ai vu un bizutage des États-Unis, c'est un œuf cuit dur dans le cul, quoi. Ça faisait mal quand même. Ah ouais, Ouais, tu vois, c'est genre, c'est hard dans les États-Unis. Hein. Bah ouais, c'est, mais c'est il y a eu des graves problèmes avec ça, etc. Et est-ce que vous êtes pour ou contre? En tout cas, beaucoup de réactions là par rapport à ça. Quentin, est-ce que toi t'es pour ou t'es contre? Est-ce que... Moi, je suis pour parce que ouais. C'est marrant un petit peu, mais il faut pas que ça parte loin. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Voilà, il faut pas. Ah, mais en général, ça dérive toujours parce que les mecs ils sont là pour casser les gens au plus profond, quoi. Donc, ouais, c'est spécial quand même. Ouais, non, ils sont pas. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas partir loin. Mais en tout cas, il y a beaucoup de réactions là par rapport à ça sur Facebook. En tout cas, on a posé la question aujourd'hui si vous êtes pour ou contre évidemment les bizutages. On a quoi comme réaction là qui arrive en direct? Attends, j'essaie de voir si le PC il fait pas get up là. Get up! Y a Sophie qui vient de commenter sur le live Facebook qui dit en direct de mon lit. Lol. Oh merde! Ah Sophie, avant de nous expliquer! Ah bah Sophie! Ouais. J'ai pas compris Sophie, tu devais pas aller du côté de Waplage et on venait de prendre la marque? J'ai pas tout à fait compris. C'était la dernière fois. On a beaucoup de réactions là. Êtes-vous pour ou contre le bizutage à l'établissement scolaire? On a. Elodie qui nous dit: je suis contre, car malheureusement les jeunes ne se mettent plus limite et ça devient dangereux voire mortel. C'est dommage car ce n'était à bon moment qui permettait de lâcher la pression. On a Inès qui dit totalement contre. Kevin également: je suis carrément et totalement contre, on nous dit là. Contre, on nous dit contre à 100%. Thierry là, qui nous dit là. En tout cas, côté Facebook, n'hésitez pas à réagir là sur le Facebook. Vous pouvez répondre aussi sur le live Facebook. Le live répondez. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bizutages dans les établissements scolaires? Voilà, pour ou contre le bizutage dans les établissements scolaires. Il y a un message aussi qui me dit: moi, on me l'a fait au collège. On m'a carrément poussé par terre. Je me suis ramassé la tronche et j'ai saigné. J'ai dû me retrouver aux urgences. Ouais, c'est un bizutage, ça. C'est de l'agression gratuite. Ouais, j'avoue, effectivement. Ah, moi, j'ai dû aller dans la boue un dimanche. Un dimanche matin, j'ai dû aller dans la boue. En fait, c'était pas ça les paroles. Vous êtes déjà fait. Il est plus de manière. Un dimanche matin. Vous avez déjà fait bizuter. Le seul bizutage qu'on fait, nous, c'est pour les tout nouveaux animateurs à la radio. Donc, Et ça, c'est drôle. Ouais, mais ça reste correct. Hein. La seule fois où on a bizuté un mec, c'est qu'on l'a attaché sur une chaise, on l'a balancé dans les escaliers et on l'a mis dehors. Attaché sur un sur qu'on avait du bruit, quoi. Après, c'est passé quoi? Seul dans le noir, à pieds nus, avec des tapettes à souris Trop rembuie, ouais. Il y a Joe qui dit en direct du métro, qui nous regarde dans le métro. C'est bizarre, dans le métro, t'as du wifi, Joe. Mec, ou t'as de la 3G, c'est bizarre. Bah, salut Joe. Voilà. Joe le taxi. Voilà, Steven qui dit contre le bizutage. Et pourquoi? Y a pas de raison. Non, c'était juste pour dire qu'il était contre. Bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. Ça fait grave plaisir. En tout cas, on bouge pas. Du lundi au jeudi, Alex Libre en tête, 21h-23h. Ah, c'est ça qui est bon. Maître Gims, Joule, ça s'appelle Boucan. On est ensemble jusqu'à 23h. Hein. Ah, on est là, on bouge pas. Bienvenue. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, pile passe par ici. C'est plus de Nîmes mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. We'll be right back. mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ouais, ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est bon. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, toujours tous les gens. Bonne soirée sur de Maître Gims à l'instant avec Boucan. C'est ici que ça se passe là jusqu'à 23h. Alex libre antenne en tout cas. Ça fait grave plaisir. En tout cas, vous êtes très nombreux là à nous écouter là comme chaque soir hein, jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous là. On bouge pas. Alex libre antenne là jusqu'à 23h. Allez, ça se passe comme ça. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex libre antenne sur Radio Mix Floor. On sera le tout nouveau Cachemire là dans quelques instants, il débarque là dans moins de 3 minutes, reste avec nous en tout cas. On fait le top ou flop, il y a toujours les Cortex sont avec nous en direct là. Ouais, oui, oui, Cachemire parce qu'il commence à faire froid. Est-ce qu'on peut se faire un petit point Ligue des Champions là, qu'est-ce que ça donne Alors attends, je vais être obligé de couper le live vidéo. Voilà. Façon pour 3 personnes. Donc je vais... Non, on est 6. Ah, ok, merci. Donc je vais couper le live Facebook. Ouais, hop, parce que quand il faisait un live Facebook, quand on marque qu'il y a des sextoys, il y a plein de monde et puis là d'un coup quand c'est voilà. Voilà. C'est terminé. Hier soir, je me suis bien doigté dessus en pensant à toi. Voilà. J'adore ça, moi. Merci. Alors attends, je me connecte déjà sur l'appli. Parce qu'on était. Et puis moi, ça me laisse l'occasion de préparer en tout cas le top. Attention, attention, Quentin. Voilà. Connexion. Le top ou flop. Alors Quentin, un petit point vite fait sur la Ligue des Champions qui se passe ce soir là, les matchs qui se finissent là, 22h50 en direct là. Qu'est-ce que ça donne ce soir? Peut-être la déception pour Ben qui tient pour Lyon. Alors Lyon, ils ont perdu. La quoi? Alors tous les matchs sont terminés. Ben. Ouais. Donc tous les matchs sont terminés, je vais tous les énumérer. Alors il y a Monaco qui a fait un but partout avec le Bayern Leverkusen. Il y a le CSKA Moscou qui a perdu 1-0 face à Tottenham. Il y a le Borussia Dortmund aussi qui a fait 2 buts partout face au Real Madrid. Il y a le Sporting Portugal qui a gagné 2-0 face au Legia Varsovie. Copenhague a gagné 4-0 face à Bruges. Leicester qui a gagné 1-0 face à Porto. Le FC Séville a gagné 1-0 face à Lyon et donc c'est terminé. Désolé mon petit Ben. Ils ont perdu. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui a perdu 1-0. Et enfin le Dynamo Zagreb qui a perdu 4-0 face à la Juventus de Paul Pogba. Alors on me dit voilà. C'est chiant le foot. Hein. Non, c'est pas chiant. C'est bien le foot. Il en faut pour tout le monde, je dirais. Voilà, donc tout est dit en tout cas pour le point foot. Maintenant, ça, le voilà. Top ou flop évidemment, est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop? On parle des actualités du moment. Alors, top ou flop, Jiffy qui fait des pubs un peu olé olé pour leur nouveau jeu en magasin. Est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop? Je l'ai vu leur pub, elle est un peu osée, mais elle est excellente. Je l'ai vu leur vidéo, est-ce que tu l'as vu ou pas? C'est pour un film érotique? Non, non, c'est un film sur le corrida. Ah oh, mais en gros c'est ça, la nana tu crois qu'elle se fait pépon de minou, mais en fait c'est pas ouais, ça. Parce qu'il y a une première vidéo de la première vidéo de Jiffy qui vont diffuser. Alors je sais pas si, je pense pas que c'est diffusé sur télé, mais en tout cas c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Tu vois une meuf en train comme si qu'il y avait la tête de mec devant, en fait devant la meuf, comme si qu'elle faisait un se faisait brouter de minou. Sauf que la meuf elle est en lingerie, hein. Elle est en soutien gorge etc. Et la vidéo, tu croyais que le mec il le broute le minou. Et en fait dès qu'ils éloignent la caméra, en fait le mec est en train de gratter, c'est ça. En train de gratter le ouais, petit jeu. Ouais, il est jeu. En train de ouais. Il est en calcul. Et la meuf est en train de gratter. En fait, tu croyais. En fait, il gratte le nouveau jeu de Jiffy. En fait. Et d'accord. Du coup, ça se passe comme ça. Et du coup, ils ont fait plein de vidéos un peu olé olé comme ça. Donc, est-ce que pour vous, c'est un bon coup de com pour faire du buzz? Moi, est-ce que c'est top, ouais. Top pour toi? Ah ouais, parce que ça change un peu. Ouais, ça change des. Moi, j'avoue que Jiffy, c'est bien. Ouais, ils essaient assez sérieux, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Ça donne un coup de. Mais en même temps, ils ont réussi leur coup parce que ça file buzz, quoi. Donc, c'est ce qu'ils attendaient, quoi. C'est ça. Parce que toi, du coup, c'est top aussi pour toi, Al. Ouais, moi, je kiffe. Ouais. C'est marrant. C'est. Ouais, c'est drôle. C'est léger. Ça change. En fait, c'est pas vraiment sexe, tu vois. Ouais, non, ça change un peu. Plus que. Après, je pense pas que c'était diffusé en télé. Moi, j'ai toujours pas vu le passage télé. Moi, mais à mon avis, ça se passera pas en télé. C'est trop sexe. Mais enfin, voilà. En tout cas, donc plutôt top pour nous. En tout cas, Jiffy qui fait des pubs à peu olé. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, Paris qui va. Ça vient de tomber aujourd'hui. Là, une petite info. Là, Paris qui va créer un espace de plein air pour les naturistes d'ici cet été. Est-ce que c'est top? Est-ce que c'est flop? Ça va être. Alors, ça va être. Alors, c'est vrai que c'est vrai. Apparemment, ça va être encadré, etc. C'est à des barrières parce que les naturistes ont gueulé et vont créer un espace sur Paris. Je ne sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas, pour un espace des touristes. Alors, imagine à Paris, mec, c'est déjà blindé de pollution. Alors, imagine les touristes. Ah, c'est quasi trois quarts fait. Hein, ça va être fait. D'ici... Bah, mais ils vont se foutre à poil à Paris. Bah, oui, mais non, mais non. Ça va être. Ils vont se baigner où sur la Seine? Non, mais pareil, ça va être. Dans la Seine, ça va être un espace. Impossible, c'est trop dégueulasse. Je me suis renseigné. Ça va être un espace clos, fermé, sécurisé et uniquement aux personnes qui sont naturistes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de voyeurs. Ouais, mais à la base, les naturistes préfèrent la nature, tu vois. Ils préfèrent les bah, endroits naturels. Après, s'ils le font, c'est qu'il y a eu de la demande, je pense. Je pense. Ouais, mais ils vont se baigner où aussi? Non, mais est-ce que c'est que pour l'été ou c'est pas toute l'année? Ah non, c'est pour l'été. Mais c'est pas pour se baigner, c'est juste dans la pelouse, je sais pas. Pour être à se retrouver. Tu peux faire ça chez toi. Ouais, ouais, mais bon, t'as des campings naturistes, ça marche. C'est parce que les gens ils aiment bien ça te kiffe. Alerte de dernière info, Quentin a dit une connerie. Pardon? Quentin a dit la Juventus de Paul Pogba, alors que Paul Pogba est à Manchester. Ah, bah je sais pas, moi je ne suis plus fou. Et bim, dans ta face. Content pour moi. Et Lyon qu'ils ont perdu, Lyon de Zidane. Non, non, franchement, je. Allez, Fabien Barthez qui va le rentrer sur le terrain. Ah, y'a Pierre Fanfan qui vient d'arriver là. Et on me dit Quentin hashtag footix. Bah vos gueules. C'est bon. Je te balance pas le prénom de la personne qui m'a donné l'info. Mais apparemment tu la connais très bien. Ah bon, hashtag okay. Ben Ah bah hashtag Ben Ah bah écoute c'est bon, je connais pas. Hashtag vengeance parce que Lyon a perdu quoi. Ben au lieu de nous écouter. Moi je passe pas mes journées sur les jeux vidéo quoi. Le clash. Ah par contre il y a vraiment des coquines sur Facebook. On me dit Paris c'est cool, l'espace naturiste, tout ça poil et on se caresse. Exactement. Alors, c'est intéressant. Est-ce que justement vous êtes pour ou contre par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt top? Est-ce que vous êtes flop? Est-ce que ça va marcher à votre avis ou pas? Moi du je m'en bats les couilles à Paris. Il y a autre chose à faire qu'un espace naturiste quoi. Merde. Tu penses donc plutôt c'est flop? Flop carrément. Ok. Quentin plutôt flop aussi ouais. Ouais, tu crois que ça va pas marcher? Ouais, parce qu'il y a des plages et puis. Bah non, les plages. Ouais, les plages naturistes. Après il y a les ouais, mais à Paris t'as pas de plage. Donc c'est pour ça. Bah c'est ils ont fait Paris plage. Ouais, mais t'as cette pas année. D'espace naturel. Ah, mais Paris bon, Paris-plage, gros, sans sable et au bord de la Seine, quoi. Ouais, mais ils vont faire ça quand hein. Aussi s'ils commencent là maintenant. Cet été, trop tard. Mais non, c'est pour cet été. Ils font délirer, les Parisiens, ils font plein de trucs pour comme l'été ça 2017. Alors que. Ouais, voilà. D'accord. Ils font plein de trucs comme ça alors qu'ils iraient sur les côtes et voilà, ils verraient les vraies plages et les trucs comme ça. Ah, mais les gens regardent pas la chance. La Seine-Maritime, là, en Normandie, pas. Ouais, mais les gens, ils ont peut-être pas la chance dans les moyens de se déplacer. Enfin, ça, vous êtes pas. Tu rigoles. Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances aussi. Ah, imagine, ils m'ont fait. Et alors, tu peux habiter dans Paris dans le 9-3. Enfin, je pense qu'il y a des gens. Non, mais Paris, c'est pas le 9-3. Non mais si, bah si. Ah mais imagine si, 9-3 c'est Paris, c'est Paris. C'est la banlieue parisienne. Bah c'est Paris. Non si, c'est la banlieue, non. C'est pas Paris. Non mais si, je parle de Paris en général. À mon avis, moi j'ai vu Paris donc Paris je sais pas. Pour moi c'est le 7-5, c'est tout. Enfin, c'est ouais, c'est 75. Ouais, 9-3 c'est un champion de cycle. Donc plutôt pour vous c'est plutôt flop quoi. Bah ouais. Puis après on va encore entendre dans les infos nouvel attentat au Paris plage de nudistes. Des paires de couilles de partout. Il a tué quelqu'un avec sa bite. Nous avons retrouvé une bite. On n'a pas l'identité de cette personne. La honte. Une chatte s'est fait attaquer. Voilà. Et la dernière top ou flop, sauvons les meubles, la nouvelle émission d'Echo de M6 qui va bientôt sortir, qui va bientôt arriver sur M6. Ça s'appelle Sauvons les meubles. Voilà. Donc est-ce que pour vous, top ou flop? Bah, rien que le nom, ça donne pas envie, quoi. Ça va être en fait une émission de restauration des meubles, etc. Vous expliquez. Moi, je pense, enfin, c'est mon avis, je pense que M6, ils en font trop sur les émissions comme ça. Les décos, c'est bon. Bah, je pense qu'il y a déjà. Enfin, pour pas faire de concurrence par rapport à M6, il y a déjà RMC qui prend le dessus avec des trucs comme ça. La restauration des objets. Non, mais RMC, comme ça. RMC c'est, en fait, c'est la chaîne que je regarde le plus parce que t'as plein de. En fait, t'as plein de reportages des émissions entre guillemets c'est culturelles. Pas TF1, ça, RMC, si. Non, RMC, c'est pas. Non, si, non. Ça fait partie du groupe TF1 maintenant, ça. RMC ? Ah non, c'est la 24 sur la TNT. Par TF1, ils ont quoi ? Ils ont TMC, tu confonds avec TMC. Ouais. RMC, pardon. Ah oui, RMC Découverte et tout. Ah ouais, RMC Découverte. Ouais. Et c'est la seule chaîne qui tourne pratiquement H24 chez moi, parce que t'as plein d'émissions, mais sur plein de sujets. Mais en général, les meilleures émissions, c'est les émissions américaines. Sur la vente des box pour les voitures et tout. Moi j'aime bien ces trucs là, je sais pas si vous connaissez l'émission américaine, c'est les enchères où t'as des vieux trucs là qui viennent en vente. Même ils achètent, ils vendent des, mais c'est des ça, garages. En fait, tu regardes mal, les enchères, justement à la base c'était les émissions américaines, ils ont fait enchères françaises. Ça pue la merde, ça a pas la même gueule. C'est comme c'est bidon. C'est comme le, moi j'avais connu il y a encore 3 ans avant que ça arrive en France, le mec qui gueulait sur les cuisiniers là, qu'ils essaient de. Ah oui, Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, avant ça moi j'ai connu la version américaine. Non, c'est version anglaise, ouais. C'était version anglaise. Avec. Je sais plus son nom. Ouais, c'est un grand chef. Non, ils ont refait ça, mais en français. Finalement, c'est pas mal quand même. C'est bien quand même. Mais pareil, tu regardes une émission que normalement tout le monde a déjà vu une seule fois. Ramsey qui s'appelle le gars, le cuisinier là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas du tout. Tu reprends Top Gear. Top Gear, c'était une émission anglaise à la base qui a fait un carton partout dans le monde. Pour les bagnoles, ça. Ouais, et ça a été repris en France. Mais par contre, la version française était pas mal. Mais pareil, la version française était pas mal, mais un peu moins poussée dans le délire, quoi. Là où ils se sont plantés aussi, c'était sur, à l'époque, il y a 3 ans, là, sur Pimp My Ride. C'est qu'ils ils customisaient des nouvelles bagnoles. Ouais, avec qu'est-ce qui a fait ça? Eric Ramsey, là, Ramsey qui faisait ça. C'était une flop totale. Mais ça j'ai pas entendu parler de ça par contre. Bah là, ça marchait pas. C'était sur D17 à l'époque. Non, c'est Ramsey qui présentait le bordel. Ouais. Mais Ramsey, ouais, il s'est planté. Bah, lui, il était marrant dans l'émission, mais ça a rien à voir. Pareil, ils reprennent des concepts américains en France, quoi. Non. Et tu reprends, en gros ils ont repris pareil l'inverse pour que ce soit plus crédible. Mais c'est pareil mec, tu reprends tout ce qui est américain et tu le mets en France, c'est mort. Tu prends Les Experts en France et tu prends, c'était quoi la série qui remplaçait Les Experts là, Section de Recherche. Rien que le nom, il te donne pas envie de regarder, quoi. Ça fait peur, il faut arrêter. Ouais, donc à votre avis, moi pour moi il y a trop d'émissions. À ton avis, est-ce que c'est plutôt top, est-ce que c'est flop cette émission? Non, flop surtout sur M6, ça va être la merde. Ouais, il y a trop, tu penses? Est-ce qu'il existe encore l'émission de déco là avec la marouflette? Non, je pense pas, non. C'est fini. Tu la revois en rediff sur d'autres chaînes peut-être. Attends, c'est lancé en télé tout ça. Elle fait sur TF1 là, mettant les séries, puis elle fait le spectacle, je pense. Ouais, elle s'est lancée dans les shows. Top ou flop, toi, la nouvelle émission M6? Non, ça va pas marcher. Elle a essayé un nouveau concept d'émission, un peu talk show en fait, mais c'est pareil, elle s'est pris un flop dans l'émission. Ouais, mais sur notre chaîne aussi, c'est pas sur M6. Non, sur M6, ouais, ils avaient fait ça. Ah oui, genre un petit peu la Cyril Hanouna avec plein de rubriques. Ouais. Mais il n'avait que 2-3 épisodes de trucs. Ouais, ça a duré 2-3 trucs, c'est de la merde. Ouais, ça avait pas marché, ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis là ce soir. Il est déjà 23h02, là, c'est déjà l'heure de quitter. On s'en rejoint évidemment dès demain, 21h23h en direct. Demain, on vous offrira des cadeaux. Demain, il y aura le retour de Avez-vous Chantal. On aura du sexe, on aura plein de cadeaux. Plein de choses, des canulars, enfin bref, en tout cas on aura beaucoup de choses à vous présenter dès demain. Si vous souhaitez assister à l'émission, c'est possible, vous envoyez un petit message sur la page Facebook Radio Mixfloor. Si c'est gratos, évidemment, profitez, ça se passe à Calais dans le nord de la France, si vous êtes dans le coin, et si vous souhaitez assister à dans le Hauts-de-France. Autant pour moi. Si vous souhaitez assister à l'émission, en tout cas en direct, voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une très très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Bon courage à tous ceux qui partent travailler également, on pense très fort à vous, à tous ceux qui nous écoutent là sur les applications mobiles, etc. Donc merci en tout cas. À vous, ça fait grave plaisir. Bonne soirée Al, bonne soirée Quentin. Ciao. Salut. Et puis je vous dis demain là. En tout cas, on te retrouve jeudi plutôt. Non, on te retrouve demain aussi. Non. Si t'es là demain, mais t'es pas là jeudi. Non, demain non plus, je suis pas là. Ah, t'es là jeudi alors. Non plus. Ah si, t'es là ce jeudi. Non, c'est plus le panique. C'est le bordel. Demain, c'est sûr que je suis pas là. En tout cas, peut-être jeudi, on verra. Attends, je regarde le planning en direct. Ah si, il est là demain Al. Ah non, demain c'est mort. Ah non, demain tu peux demander du planning, je ne suis pas là. Je suis même pas en France demain donc. Ok, bon bah écoute. Ah, donc, voilà. Il sera pas là. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis évidemment ce soir. Demain on se retrouve avec Jojo, on se retrouve avec Quentin. Yes. On sera trois demain. Voilà, en tout cas, merci. Ah, il y a Ben demain aussi également. Hein. Bah, oui. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Et Cashmere pour se quitter avec Invincible Children. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Ciao. Ciao. Salut. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura sa paix. Qu'est-ce

mercy, mercy. Money, them in a party, party, party. All of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, I'm the onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui se cache sous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans ma